Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir donc Gildas Salmon pour cette quatrième séance du séminaire pratique et ontologie et Isabelle Jabiot qui va donc assumer la fonction de répondante. Le titre de la présentation que va vous faire Gildas, je crois que le sous-titre a changé, c'est de la délégation ontologique. Alors c'est à peu près la même chose, hein. De toute façon le titre ne va pas beaucoup changer, donc regardons la version cerisée, naissance de l'anthropologie néoclassique. Pardon ? Naissance de l'anthropologie néoclassique, j'essaie de définir pourquoi je définis de cette manière-là le résultat du programme ontologique. Bon, je passe tout de suite la parole à Gildas. Alors il y a déjà à mon avis une bonne dizaine d'années que le programme ontologique, au sens où il est pris dans ce séminaire, s'est stabilisé. En adoptant non pas la forme d'une œuvre unique qui en fixerait un canon, mais celle d'un réseau traversé par des débats internes. Son argument central, qui sert de plateforme commune à ces différentes variantes, peut être résumé de la manière suivante. Pour accomplir sa vocation de discipline comparative, l'anthropologie doit sacrifier la notion qui lui avait jusqu'alors servi d'objet, à savoir la culture. Car étudier les différences entre cultures revient à donner pour toile de fond à leur variation une nature uniforme qui nous est connue par d'autres moyens, ceux des sciences de la nature, et par rapport à laquelle celles-ci ne pourront apparaître que comme des représentations erronées. L'anthropologie culturelle est donc en son fondement même ethnocentrique, puisqu'elle impose à tous les collectifs une distinction qui n'a de sens que pour les modernes, et à ce titre, elle doit être remplacée par une confrontation des ontologies, c'est-à-dire des manières de découper le monde. Alors on a là un argument dont l'efficacité est incontestable, mais qui, à mon avis, ne suffit pas à comprendre la manière dont le programme ontologique a pu s'imposer. Autrement dit, il s'agit plutôt d'une pièce interne de ce programme ontologique que d'un élément qui pourrait servir à en comprendre la formation. Et malgré le recul assez limité dont nous disposons aujourd'hui sur un programme qui est encore en devenir, j'aimerais essayer de décaler légèrement le regard que nous pouvons porter sur lui en prenant appui sur l'histoire de l'anthropologie. Or, de ce point de vue, je ne pense pas que l'identification des cultures à des représentations erronées de la nature puisse être admise sans réserve. Si cette étiquette s'applique très bien à l'anthropologie évolutionniste et à des pans non négligeables de l'ethnographie ultérieure, il existe également toute une tradition qu'on peut qualifier de morphologique, qui prend naissance chez Boas et dont on trouve l'aboutissement dans les mythologiques de Lévi-Strauss, dont le but n'est pas de décrire des représentations de la nature ou du monde, mais de définir un régime de variation singulier. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agirait d'opposer la culture comme variable à une nature universelle, hein, selon une formule qui était celle des structures élémentaires de la parenté. Pour le dire en des termes latouriens, l'enjeu est de saisir, dans le passage d'une culture à ses voisines, une passe singulière, c'est-à-dire une manière de différer qui n'est pas tout à fait la même que celle qui sépare deux espèces biologiques, deux milieux naturels ou deux langues, et qui mérite d'être décrite dans sa singularité. C'est en tout cas le sens que je propose de donner à la notion de transformation, qui constitue le cœur de l'anthropologie structurale, un programme que j'estime entièrement dégagé de cette problématique de la représentation. Alors en faisant cette remarque, mon but n'est pas de diminuer la distance qui sépare le programme ontologique actuel de celui que Lévi-Strauss avait mis en place au début des années 60, mais plutôt de la requalifier et de la décrire d'une manière qui ne se contente pas d'y voir une étape supplémentaire dans le compulaire que l'anthropologie a engagé contre l'ethnocentrisme. Alors ce combat contre l'ethnocentrisme est réel, et il est peut-être même le principal carburant auquel l'histoire de discipline s'alimente, du moins dans la mesure où tout nouveau programme théorique doit pouvoir se présenter comme un progrès sur cet axe. Mais reconnaître ceci ne doit pas conduire à succomber aux facilités de l'unilinéarité. Car précisément, ce combat est suffisamment ancien et complexe pour qu'il ne soit plus possible de le représenter sur une seule ligne. Et donc pour comprendre la singularité de ce qui est en train de se produire, il faut adopter un modèle multidimensionnel dont je vais essayer de construire une ébauche à partir de la notion de délégation. En d'autres termes, plutôt que de faire du programme ontologique la dernière étape de la lutte contre l'ethnocentrisme, je propose de le définir comme une opération de délégation ontologique qui, à ce titre, peut être comparée à d'autres opérations du même type dont l'histoire des sciences sociales des dernières décennies nous offre plusieurs exemples. Alors j'en prendrai deux. Le premier qui s'impose dans le contexte français est celui qui s'est produit en sociologie autour de Luc Boltanski, avec la substitution d'une sociologie de la critique à une sociologie critique. Ce cas permet de comprendre de quoi il retourne dans une opération de délégation. Lorsqu'une opération est devenue trop coûteuse pour que le sociologue ou l'anthropologue continue à l'exercer de façon souveraine et monopolistique, il la reporte sur les acteurs provoquant ainsi une véritable relance de l'enquête. Au lieu de donner une interprétation critique de leurs pratiques, voyons comment eux-mêmes critiquent et essayons de formaliser les modèles auxquels ils se réfèrent dans leurs pratiques de dénonciation. Or, ces modèles relèvent de la philosophie morale et politique. Et c'est là un trait essentiel de ces opérations de délégation qui a longtemps empêché de les percevoir pour ce qu'elles sont. Puisque loin de revenir à une forme d'empirisme plat et rassurant, la délégation s'accompagne, pour ainsi dire, de bouffées spéculatives qui obligent à chaque fois à enrichir et à complexifier la description d'une manière imprévue. Pour rendre compte des pratiques critiques mobilisées par les acteurs, il faut réintroduire tout ce qu'une sociologie qui se voulait positive s'efforçait de tenir à distance, à savoir l'ensemble de l'histoire de la philosophie politique. Ce qui s'est passé en anthropologie sur la question ontologique est exactement la même chose. Contrairement à ce qu'on entend parfois, il ne s'agit pas d'une avancée de l'anthropologie hors de ses frontières, sur le terrain de la philosophie. Au contraire, l'anthropologie exerce depuis toujours une fonction ontologique, en ce sens qu'elle configure la distribution des ressemblances et des différences entre les faits culturels. L'acte fondateur de la discipline, chez Taylor, consiste à dire que dans le domaine de la culture, il n'y a pas que des singularités, comme le croyaient les historiens, mais bien de véritables espèces dont il est possible d'étudier la récurrence à travers le monde. Quelques décennies plus tard, l'anthropologie structurale correspond à une profonde reconfiguration ontologique. Lévi-Strauss affirme ainsi que les différences priment sur les ressemblances et qu'un fait culturel ne peut être identifié qu'à partir des oppositions qui le lient à d'autres faits culturels. Alors, on voit deux différences qui sont solidaires l'une de l'autre, qui sautent aux yeux par rapport au programme ontologique actuel. D'une part, il s'agit d'une ontologie régionale qui se limite aux faits culturels. Et d'autre part, c'est l'anthropologue en personne qui prend en charge la distribution ontologique, alors que la question qui est devenue centrale dans les deux ou trois dernières décennies est celle de la manière dont les différents collectifs répartissent eux-mêmes les ressemblances et les différences entre les existants pour composer un monde. Donc on voit bien le déplacement. Alors ceci dit, je pense qu'il est important d'introduire un deuxième cas de délégation qui n'a pas quant à lui été perçu comme tel, et qui est cette fois interne à l'histoire de l'anthropologie. Dans le travail que j'ai fait sur Lévi-Strauss, je propose en effet de lire l'anthropologie structurale comme la délégation d'une autre opération essentielle de l'anthropologie, à savoir la comparaison. Traditionnellement, comparer est un privilège réservé à l'anthropologue. Il s'agit d'identifier les ressemblances ou les contrastes entre des institutions, des rituels ou des récits issus de différentes régions du monde, en fonction d'une problématique ou d'une grille de lecture construite par le comparatiste. Or, le programme des mythologiques consiste à refuser ce privilège pour faire de la comparaison une pratique propre aux cultures que l'anthropologue étudie. Les variantes des mythes, par exemple, ne sont pas des choses qui pourraient simplement être déployées depuis un point de vue externe dans un tableau comparatif. Elles sont en elles-mêmes les résultats d'opérations locales de traduction et de distinction. Donc elles sont issues du travail qu'une société fait sur les récits de ses voisins. Alors ces quelques remarques permettent d'avancer une caractérisation des sciences sociales des dernières décennies comme étant des disciplines dont les avancées les plus remarquables se sont faites non pas par un contrôle plus strict de leurs protocoles expérimentaux, mais par des expériences variées de délégation d'une partie de leurs opérations constitutives. Il s'agit là d'un tournant crucial pour une discipline comme l'anthropologie, dont l'histoire avait jusqu'ici consisté à concentrer dans les mains d'un seul homme, l'ethnologue, toutes les opérations de description, d'analyse, de comparaison et de généralisation qui n'étaient auparavant assurées que par des réseaux compliqués faits de missionnaires, d'administrateurs coloniaux, d'anthropologues de cabinet, voire de philosophes de la culture. Et c'est de cette manière qu'on peut aussi comprendre le contraste entre l'anthropologie cognitive, d'une part, qui prétend se passer de tout concours des acteurs en emportant dans ses bagages des modèles préfabriqués en laboratoire, et d'autre part, une anthropologie qu'il ne serait pas pertinent de qualifier de culturelle ou d'interprétative, puisque ce sont des termes qui sont explicitement refusés, mais qui diffère de l'anthropologie cognitive parce qu'elle a choisi de traiter certaines de ses opérations comme des pratiques qu'il convient de décrire. Mais cette remarque se double immédiatement d'une autre, car le rapide inventaire des opérations de délégation que j'ai proposées nous offre un autre enseignement. C'est que le mot d'ordre du retour aux acteurs eux-mêmes ne peut pas s'entendre en un seul sens, ni être évalué sur une échelle unique. On ne peut pas tout déléguer à la fois. Ce qui veut dire que ce que l'anthropologue donne d'une main, il le reprend de l'autre. Si dans le cas des transformations, on peut dire que les différences culturelles sont faites par les collectifs, qu'elles sont un problème qu'ils se posent et qu'ils résolvent, on ne peut pas en dire autant des différences ontologiques qui, elle, ne se déploie que pour le comparatif. En effet, dans le programme ontologique, la question de la distribution des identités et des différences se trouve redoublée. Elle se pose une première fois au niveau des ontologies et une seconde fois au niveau du dispositif comparatif qui sert à les confronter les unes aux autres. Et c'est un point qui m'a toujours frappé dans les différentes versions de l'anthropologie ontologique. Le fait de déléguer la construction du monde au collectif étudié se traduit par le retour à des formes fermées de comparaison entre ces ontologies. Alors je dis forme fermée par opposition à la forme ouverte que prend la comparaison à travers la notion de transformation, où les axes de comparaison se dégagent progressivement à mesure qu'on passe d'une société à ses voisines, sans qu'on puisse clôturer d'avance un espace des possibles, ni même prédire les dimensions sur lesquelles la variation sera effective. Par opposition à cela, le programme ontologique a donné lieu à deux grands dispositifs comparatifs. La relation duelle, d'une part, c'est-à-dire le partage contrastif et agonistique, qui est la formule retenue par Viveros de Castro, mais aussi par Tim Ingold, et, d'autre part, le tableau quadripartite élaboré par Philippe Descola, qui est lui aussi une forme fermée. Alors ce contraste est d'autant plus frappant qu'il s'accompagne, aussi bien chez Eduardo Viveros de Castro que chez Philippe Descola, d'une relation plutôt positive à l'héritage de Lévi-Strauss, et même d'une reconnaissance de l'existence des transformations à l'échelle locale. Mais il n'en est que plus intéressant de voir qu'au niveau des ontologies, cet opérateur semble perdre toute pertinence. Il s'agit donc moins d'un désaccord que d'un changement de problématique très profond. Et c'est ce changement de la nature des problèmes que traite l'anthropologie que j'aimerais essayer d'éclairer en retraçant la naissance du programme ontologique. Alors la première remarque que je ferai est qu'il serait évidemment très insuffisant de dire qu'on délègue une opération par gentillesse, c'est-à-dire parce qu'on serait plus attentif aux gens qu'on étudie, ou plus libéral philosophiquement que ses prédécesseurs. Mon hypothèse est qu'une opération de délégation n'est jamais gratuite, mais qu'elle vient toujours répondre à une crise de la discipline. Alors c'est ce que j'ai montré dans le cas de Lévi-Strauss. Faire des pratiques de distinction déployées par les différentes cultures le moteur de la comparaison, c'est une manière de répondre à la critique de l'école américaine qui opposait à l'ambition généralisatrice des évolutionnistes la précision de la description ethnographique, en montrant qu'il était plus pertinent de donner une description d'une institution singulière en contexte que de la subsumer sous une grande catégorie transculturelle comme l'organisation dualiste, le totémisme, le mythe, etc. Alors je pense que le programme ontologique vient lui aussi répondre à une crise du savoir anthropologique et qu'il n'est compréhensible que comme une réponse à cette crise. Et cette crise, c'est bien sûr celle que suscite le courant postmoderne à partir des années 80. Et donc, plutôt que de voir dans la délégation ontologique qui implique, je l'ai dit, une forme de reprise en main comparative, plutôt que d'y voir un approfondissement dans la lutte contre l'ethnocentrisme, je propose de la lire comme une réponse circonstanciée à une critique très différente de celle que Lévi-Strauss avait eu à affronter dans les années 40. Alors l'importance du postmodernisme tient à ce qu'il est venu inquiéter très profondément ce qui était jusqu'alors considéré comme le socle assuré de la discipline, à savoir l'ethnographie. Au début du XXe siècle, la crise du savoir ethnographique qui va chercher l'évolutionnisme est inverse. C'est l'étage anthropologique, celui de la généralisation, qui est alors remis en cause à partir d'une ethnographie qui, elle, est de mieux en mieux assurée. Si on s'inquiète de la légitimité de la comparaison, l'ethnographie, elle, ne pose que des problèmes d'ordre technique. La question est de savoir comment mieux former des enquêteurs de terrain, qui pourront substituer aux informations peu fiables rapportées par les missionnaires et les administrateurs coloniaux des descriptions conformes aux nouveaux standards de qualité d'une pratique désormais professionnalisée. Dans les années 80, le postmodernisme vient justement contester que ces solutions d'ordre technique, alors arrivées à maturité, suffisent à produire un savoir positif. Le problème que Clifford soulève est en effet celui de la légitimité du dispositif que l'ethnologie post-malinowskienne a mis en place pour représenter une culture. En mettant au jour les procédés littéraires employés pour asseoir l'autorité de l'ethnographe, l'enjeu est évidemment politique. Il s'agit de dénoncer les moyens par lesquels l'anthropologue s'est érigé en porte-parole unique des sociétés qu'il étudie, en privant le collectif en question de la capacité à s'exprimer en première personne. Mais il est important de souligner que la charge n'est pas uniquement politique, que ce soit chez Clifford, Tyler ou Rabineau. Elle a déjà pour toile de fond la contestation de la métaphysique de la représentation, dans les différentes versions de cette contestation, herméneutique, heideggerienne ou foucaldienne. Alors on peut penser ce qu'on veut des réalisations du courant postmoderne, mais elles sont beaucoup moins importantes que les exigences qu'il est parvenu à inscrire dans le cahier des charges de l'anthropologie des dernières décennies. La première de ces exigences, la plus importante peut-être, c'est l'impératif pour l'ethnographe de situer explicitement et même ostensiblement sa position dans la production du savoir qu'il propose au lecteur. Il vient ainsi heurter de front l'idéologie de la transparence cultivée par l'ethnographie classique, qui d'un côté fonde son autorité sur la présence en personne sur place, mais qui de l'autre côté fait disparaître la réalité des situations d'interlocution en s'absentant de son compte-rendu final, qui est présenté comme la représentation objective d'une culture. Contre cette prétention à la totalisation, le postmodernisme a voulu mettre en place quelque chose comme une délégation de l'écriture, c'est-à-dire une redistribution de l'autorité ethnographique au moyen d'une fragmentation du statut d'auteur. Le point fondamental de la critique de Clifford réside à mon avis dans la mise en cause du processus de textualisation, le texte s'opposant au discours en tant qu'il est détaché de toute situation d'interlocution. Cette distinction s'appuie sur une des références cardinales pour la théorie anthropologique des 30 dernières années, qui est la série d'articles que Benveniste a consacré à la catégorie de personnes en linguistique. Ces articles, en fait, servent de pivot à toute l'histoire que je vais essayer de retracer, car le savoir anthropologique va entièrement se réordonner autour de la corrélation de personnalité, c'est-à-dire autour de la relation dialogique entre un sujet singulier, qui s'exprime en première personne, et un interlocuteur également singulier. C'est ça que Benveniste appelle corrélation de personnalité, et par opposition à ce dialogue entre un « je » et un « tu », le « il », lui, celui dont on parle, tombe du côté de la non-personne. Alors le péché capital pour l'anthropologie, ça va devenir l'élision de cette corrélation de personnalité que le style objectif de la monographie avait érigé en norme. La critique cliffordienne consiste à traquer le discours sous le texte et à faire ressortir la multiplicité des strates discursives qui sont écrasées par l'ethnographie. La dimension de l'interlocution doit être restaurée aussi bien dans le rapport aux informateurs que dans la relation que l'ethnographe noue avec le lecteur. Cet impératif affecte non seulement la lecture des ethnographies classiques, mais aussi l'écriture des ethnographies futures. Le mot d'ordre, c'est de cultiver l'hétéroglossie, donc de juxtaposer les voix. Une des singularités du postmodernisme dans l'histoire que j'essaie de retracer est toutefois qu'il s'attache lui-même à démystifier la délégation qu'il propose. Clifford relève en effet que la juxtaposition de voix multiples n'abolit en rien l'importance de l'auteur, qui change seulement de rôle pour se charger de l'orchestration de leur discordance dans un texte unique. En définitive, la solution avancée se réduit donc à une rupture esthétique, à savoir la mise en place d'une ethnographie surréaliste composée sur le mode du collage. Alors, la deuxième exigence imposée par le postmodernisme réside dans une nouvelle articulation, beaucoup plus intime mais aussi plus paradoxale qu'auparavant, de l'anthropologie avec la critique. En un sens, le postmodernisme reprend une dimension qui était déjà présente dans toute une partie de l'anthropologie de la seconde moitié du XXe siècle, à savoir la critique du colonialisme. Mais celle-ci adopte désormais la forme d'une autocritique. On a l'impression, en lisant ces textes, que le cœur de la critique du colonialisme se situe moins dans le monde que dans l'anthropologie elle-même et dans son mode d'écriture. Alors, une telle fièvre autocritique est évidemment liée au retentissement de l'ouvrage d'Edouard Saïd, qui vient donner une légitimité nouvelle à la vieille critique adressée aux ethnologues par les mouvements de décolonisation, qui consistait à leur reprocher d'essentialiser des identités figées et de vouloir ainsi leur barrer l'accès au statut de sujet autonome. Alors même si l'ethnologie n'est pas la cible première de Saïd, le problème soulevé par l'orientalisme concerne en définitive toute prétention à représenter de l'extérieur, à la manière d'un objet, les cultures non occidentales. La connexion qui s'opère avec le groupe de Writing Culture, donc de Clifford, va placer pour la première fois, mais pour longtemps, l'autocritique au cœur du dispositif théorique de l'ethnographie. Comme elle conteste toute prétention à représenter le point de vue de l'autre, il ne peut pas s'agir de critiquer les sociétés occidentales à l'aide de l'anthropologie, mais seulement de critiquer l'anthropologie elle-même au moyen de techniques qui sont pour l'essentiel empruntées à la littérature. L'anthropologie est donc plutôt l'objet que le levier de la critique. Laissant aux historiens et aux politistes la charge de mettre au jour les stratégies des puissances colonisatrices et d'analyser les mouvements de décolonisation, elle finit par ne plus parler que d'elle-même. Ici, comme sur le premier point, je pense que l'exigence critique est plus importante que la version qu'en a donnée le postmodernisme. Car une telle démystification ne va pas tarder à apparaître comme une nouvelle forme de narcissisme. L'anthropologue est en effet déchu des prestiges de la science que pour devenir l'objet de formes de canonisation auparavant réservées aux grands auteurs de la littérature. Faire de Malinowski un père de Conrad, comme le fait Clifford, c'est volontairement ou involontairement exalter sa subjectivité créatrice. Alors ces deux traits me suffiront, car mon objectif n'est pas tant de décrire le courant postmoderne pour lui-même que de montrer comment tout ce qui s'est fait de plus intéressant en anthropologie depuis lors a dû composer avec ce cahier des charges. Je pense en particulier que c'est lui qui explique l'éclipse du programme transformationnel de Lévi-Strauss. Celui-ci déployait en effet une stratégie assumée de triangulation. Toute l'anthropologie structurale repose sur un refus de la confrontation directe entre nous et les autres. Elle a pour principe de prendre pour objet non pas le grand partage entre les modernes et les primitifs qui opposaient les évolutionnistes, mais les différences fines qui séparent et unissent deux sociétés proches l'une de l'autre. C'est le sens de la délégation comparative, refuser de choisir soi-même les différences qui sont pertinentes pour décrire comment des cultures voisines déploient leur stratégie de distinction, c'est-à-dire, en fait, les laisser définir elles-mêmes les aspects de leur identité qu'elles traitent comme problématiques. Alors, si ce dispositif ne fait bien entendu pas disparaître le problème du regard de l'anthropologue, il représente un effort pour rendre sa présence la plus indirecte possible, pour lui imposer une médiation de plus. Or, on est bien forcé de constater que le postmodernisme a rendu une telle position intenable. Alors qu'elle avait été pensée comme une méthode d'interobjectivation destinée à garantir l'anthropologie contre le risque de projection qui s'était révélé par exemple dans la querelle du totémisme, elle apparaît désormais comme un redoublement au niveau comparatif de l'escamotage de la position de l'ethnographe qui se produit au niveau de la description. Nul ne peut plus se soustraire à l'impératif de situer son point de vue, ni échapper à la relation duelle entre nous et les autres, que le postmodernisme a réinstallé au cœur de la discipline. La délégation ontologique correspond à mes yeux à la première véritable stabilisation d'un programme de recherche capable de relever le défi du postmodernisme. Mais cela ne signifie pas qu'il s'agisse de la première réponse à la crise postmoderne. Et je crois que pour comprendre sa formation, il est nécessaire de passer par deux étapes intermédiaires, deux manières de relancer la production du savoir anthropologique très différentes l'une de l'autre, mais qui ont en commun d'avoir refusé la forme stabilisée du programme de recherche au profit d'une culture concertée du déséquilibre. Et je pense ici aux travaux de Jeanne Favre-Saada d'une part et de Marilyn Strazern d'autre part. Alors, commençons par la première. Les mots, la mort, l'essor paraît à la fin des années 70 dans un contexte marqué par le post-structuralisme et la déconstruction. Le livre part d'une critique du discours anthropologique qui anticipe sur plusieurs points très importants celle de Clifford. Je pense en particulier à la mobilisation de Benveniste, qui est reprise chez Clifford directement, Jeanne Favre-Saada. Le problème que soulève Jeanne Favre-Saada est déjà celui de la dénégation de l'interlocution ethnographique qui vient réduire l'indigène au rang de la non-personne, du « il ». Toutefois, loin d'aboutir à une esthétique du collage, cette critique de l'objectivité ethnographique la conduit au contraire à tenir jusqu'au bout son point de vue dans ce qu'il a de singulier, sans jamais décoller de la position qu'elle se voit assignée par ses interlocuteurs. Alors que le postmodernisme se définit comme une déprise absolue, comme la position de celui qui ne croit plus en rien, pas même à la science et aux récits produits par les Lumières, toute l'enquête de Jeanne Favre-Saada repose au contraire sur le fait d'être pris par des discours et des pratiques dont la modernité était censée nous avoir détachés. Ce qui signifie adopter une position impossible, celle de l'arriéré, du fou, qui peut se dire pris dans l'essor. Au lieu de s'épuiser dans une critique indéfinie de la subjectivité de l'anthropologue, l'exigence de situer son point de vue aboutit à faire de la subjectivation un instrument positif de connaissance. Une des caractéristiques décisives de cette première relance du savoir anthropologique est qu'à la différence de ce qui se produira dans les étapes ultérieures, tout se joue au plan de l'ethnographie. La montée en généralité est en effet refusée. Mais la forme de la monographie classique l'est aussi, au profit d'un nouvel usage du récit. La narration sert à faire jouer la corrélation de personnalité ethnographique, donc le dialogue avec les prétendus informateurs, contre l'économie anthropologique de la personne, dans laquelle un sujet rationnel quelconque, l'ethnologue, est censé s'adresser à un autre sujet rationnel quelconque, le lecteur, l'indigène crédule dont on parle, se trouvant quant à lui relégué au rang d'objet. Tout l'enjeu de ce nouveau mode d'enquête et d'écriture, c'est de retracer comment, en acceptant d'être interpellé par ses prétendus informateurs, l'ethnologue en vient à occuper lui-même la position réservée à la non-personne. Ce qui implique, en premier lieu, de restituer à ses interlocuteurs leur épaisseur individuelle, de les nommer, de retracer leur parcours biographique. Le récit permet ainsi d'éviter de dissoudre leur discours dans un groupe social, dans une position statutaire ou dans une croyance, car il est d'abord et avant tout un récit de situation d'interlocution. Mais ce n'est pas tout, car la position depuis laquelle l'ethnographie est écrite, celle de l'ethnographe prise dans l'essor, n'est pas une position stable depuis laquelle on peut calmement dérouler une démonstration. Du coup, il faut retracer comment on y a été conduit. Et donc, contrairement au texte anthropologique classique qui efface la singularité du sujet qui le tient, le récit permet de faire valoir que seul un sujet non quelconque, un sujet profondément transformé par les interpellations dont il a fait l'objet, peut parler depuis cette position impossible. Alors on est ici très loin du programme ontologique, qui se caractérise au contraire par un retour à des formes beaucoup plus classiques d'ethnographie. Tous ses principaux représentants ont écrit des monographies, une forme assez classique. Mais je ne crois pas qu'il faille voir la fermeture de la parenthèse postmoderne, car la restauration de l'autorité ethnographique n'a été possible qu'au prix d'un transfert des exigences issues du postmodernisme, du plan ethnographique, au plan anthropologique. La notion d'ontologie, telle qu'elle est utilisée en anthropologie, doit en effet être comprise elle aussi comme une façon de déplacer l'économie anthropologique de la personne, mais de la déplacer non plus dans la conduite de l'enquête et dans le mode d'écriture de l'ethnographie, comme c'était le cas chez Anne Favre-Saada, mais de la déplacer cette fois au moyen de données ethnographiques classiques. Il ne s'agit plus de montrer, comme le faisait Jeanne Favre-Saada, comment on peut se trouver pris contextuellement par la puissance d'interpellation d'un discours, mais de construire à partir de données éparses, qui peuvent être empruntées aux mythes, aussi bien qu'aux rites, aux chants chamaniques ou aux pratiques de chasse, de construire à partir de toutes ces données ethnographiques une autre distribution des points de vue, qui soit capable de servir de contrepoint, non pas au niveau de l'expérience, mais au niveau théorique, aux standards qui fondent l'objectivité scientifique. Ontologie, à mon avis, veut dire ça, et je vais essayer de le montrer. Alors, pour comprendre comment cette restauration de la théorie anthropologique a été possible, il est indispensable d'aborder le dispositif mis en place par Marilyn Strazern dans The Gender of the Gift. Le livre correspond à un moment où le débat avec le postmodernisme est explicite, ce qui disparaîtra avec l'affirmation du programme ontologique. Et je vais essayer de montrer comment il parvient à transférer au niveau de la théorie anthropologique les problèmes que les postmodernes, mais aussi Jeanne Favre-Saada, avaient traités au niveau de l'ethnographie. Autrement dit, la contrainte de situer son point de vue et l'exigence d'une autocritique de l'anthropologie vont être satisfaites, mais d'une manière qui ne va passer ni par l'expérimentation littéraire, solution Clifford, ni par la subjectivation contextualisée, solution Jeanne Favre-Saada. Au lieu d'opposer la narration en première personne et le point de vue local à une théorie qui serait par nature décontextualisée, tout l'enjeu du travail de Strazern est de contextualiser la théorie elle-même, c'est-à-dire de prendre l'anthropologie, non pas comme un site stable depuis lequel on pourrait déployer tranquillement le tableau des différentes sociétés, mais de prendre l'anthropologie comme une tradition particulière, ancrée non seulement dans un contexte institutionnel, mais aussi dans le cadre plus large de la métaphysique occidentale. Situer l'anthropologie ne signifie pourtant pas qu'on puisse s'en extraire par la seule force de sa volonté, ni même par les vertus de l'enquête, en adoptant sur nous, occidentaux, le point de vue des autres. La leçon du postmodernisme a été retenue. On n'échappe pas à son point de vue, et on ne fait jamais que mettre en scène, dans des termes qui nous appartiennent, des points de vue autres. Par exemple, le don ne peut pas valoir comme un modèle mélanésien qu'on pourrait opposer au modèle occidental, car Strazern souligne que le contraste entre don et marchandise est lui-même un contraste interne à l'économie politique occidentale. La solution qu'elle adopte pour sortir du cercle de la démystification interminable consiste en fait à redoubler la contrainte de localisation en opérant un branchement de son discours sur un mouvement à la fois théorique et militant qui est le féminisme. Pour sortir d'une autocritique qui risque de s'épuiser dans un rapport indéfini de soi à soi, chez les postmodernes, il faut que l'anthropologie s'expose à une critique sociale réelle, dont les intérêts politiques sont assumés, et dont la cible n'est pas uniquement académique. Alors, le féminisme qui joue ce rôle n'est pas moins ancré dans les sociétés et la métaphysique occidentale que l'anthropologie. Et il ne fournit donc pas un point de vue intrinsèquement supérieur. La critique qu'il exerce ne donne accès à aucune position d'extériorité. Elle est strictement autochtone, elle appartient à l'Occident. Mais le pari de Strasern est que croiser les points de vue féministes et anthropologiques permet de jouer de leur discordance, chacune de ces traditions étant utilisée pour prendre l'autre de biais. La polyphonie, dont le postmodernisme avait fait un idéal littéraire, devient un véritable instrument théorique destiné à déstabiliser le rapport entre le sujet et l'objet du savoir. D'un côté, l'exercice de description anthropologique se trouve déstabilisé par la critique féministe, car celle-ci ne voit dans les concepts de culture, de société ou d'institution que des productions idéologiques destinées à masquer la domination exercée par un sous-groupe, celui des hommes. Les éléments qui servent traditionnellement de base au travail comparatif se trouvent ainsi mis en cause par un dualisme qui coupe chacun d'eux en deux moitiés asymétriques. Aux yeux des féministes, le grand partage entre l'Occident et les autres se trouve largement relativisé au profit d'un autre grand partage, celui qui oppose dans chaque collectif les hommes et les femmes. Jusque dans ses inquiétudes postmodernes, l'anthropologie s'avère donc complice du patriarcat. Mais d'un autre côté, cette critique n'est pas utilisée comme une vérité qu'il faudrait opposer à l'idéologie anthropologique. Tout l'enjeu du livre de Strasern est au contraire d'utiliser l'ethnographie de la Mélanésie, mais aussi les concepts anthropologiques comme celui de Don, pour bousculer les termes de la critique féministe. Loin de vérifier l'universalité de l'exploitation des femmes, Strasern conteste que cette catégorie soit pertinente en Mélanésie. Alors que le problème central pour la critique féministe occidentale réside dans la dénégation du statut de personne complète aux femmes, elle affirme quant à elle que cette analyse de la domination masculine ne vaut pas en Nouvelle-Guinée. Elle repose en effet sur l'idée que la personne est un individu propriétaire de ses capacités qui pourrait en être dépossédé par un contrôle extérieur. Or, ce n'est pas le cas en Mélanésie, où la personne n'est pas unifiée intérieurement et n'émerge qu'en relation avec un partenaire dont elle suscite l'action ou qui suscite au contraire la sienne. On le voit, l'anthropologie retrouve ici un potentiel authentiquement critique, c'est-à-dire une prise sur la réalité politique occidentale, au lieu de s'enfermer dans une autocritique un peu nombriliste, puisqu'elle peut parvenir en quelque sorte à infléchir un mouvement comme le féminisme. Alors mon but n'est pas ici de résumer les conclusions auxquelles parvient Strasern, mais seulement de faire remarquer que le déroulement de l'analyse suit un cheminement très particulier qu'on pourrait comparer à celui du cavalier d'échecs qui ne peut avancer sur un axe qu'au prix d'un déplacement sur un autre axe perpendiculaire au premier. La production du savoir se déploie désormais dans un référentiel complexe fait de deux axes, l'axe anthropologique d'un côté, qui se déploie entre l'épaule de l'Occident et de la Mélanésie, et l'axe féministe de l'autre, qui s'ordonne au partage masculin-féminin. Or, dans un cas comme dans l'autre, les pôles sont asymétriques puisqu'ils opposent un sujet à un objet. De fait, l'Occident prétend objectiver la Mélanésie, et les hommes s'efforcent de contrôler les femmes. La critique postmoderne, qui prétendait enfermer l'anthropologue dans la position du sujet déniant à l'autre le statut de personne, se trouve à la fois reprise et déplacée. Car la place de l'anthropologue féministe n'est pas la même sur ces deux axes. En tant qu'anthropologue, bien sûr, elle occupe la position souveraine du sujet, mais en tant que femme, en revanche, elle parle depuis la position de la non-personne. Alors, il est vrai que les termes dans lesquels ce référentiel est défini sont des termes occidentaux. Mais le pari consiste à dire qu'en faisant jouer deux mouvements corrélatifs sur ces deux dimensions, on peut libérer un espace pour une autre conceptualité et réussir à importer dans nos débats quelque chose de la pensée mélanésienne, grâce à cette double déstabilisation. Alors l'image employée par le livre n'est pas celle du cavalier d'échecs, mais celle du coude, qui permet de faire jouer deux dimensions au moyen d'un pivot. Or, le pivot qui permet de réarticuler d'un côté les concepts anthropologiques d'individu et de société, de nature et de culture, et de l'autre côté les concepts féministes de domination masculine, d'aliénation ou de genre, c'est la mise au jour d'une économie des personnes alternative au modèle occidental. Le concept anthropologique de don, dans son opposition à la marchandise, permet d'en esquisser les contours, comme le montre bien la formule suivante, que je cite, Si dans une économie de la marchandise, les choses et les personnes adoptent la forme de choses, alors dans une économie du don, elles adoptent la forme de personnes. Alors que dans le modèle occidental, les individus existent mais risquent toujours de se voir dénier leur statut de personne dans les relations sociales et politiques qu'ils nouent avec les autres, dans le modèle mélanésien, au contraire, ce sont les relations qui priment et les personnes ne prennent forme que dans des séquences d'action et d'interaction qu'elles nouent avec un partenaire. Alors, je vais essayer de montrer dans la dernière partie de mon exposé ce que le programme ontologique doit à ce montage théorique paradoxal. Mais il existe également une différence majeure dont il faut rendre compte. Comme tout repose sur le déséquilibre et une forme de discordance interne, ce gender of the gift ne peut pas donner lieu à un programme de recherche stabilisé. Pas plus que les modèles théoriques, l'ethnographie ne tient lieu de fondement stable. Qu'elle provienne d'anthropologues féministes ou non, les descriptions mobilisées sont sans arrêt sous le feu de la critique. Elles ne sont rien d'autre que des points d'appui provisoires dans le mouvement de reconceptualisation. Or, c'est précisément ce qui va changer avec le programme ontologique, et c'est la raison pour laquelle je propose d'y voir la naissance d'une anthropologie néoclassique. Alors, si j'ai retracé tout ce parcours, si j'ai fait ce long détour avant d'aborder de front les auteurs qui nous intéressent, c'est qu'il me semble insuffisant de définir le mouvement qui nous intéresse dans ce séminaire par la substitution de l'ontologie à la culture, ou même par le choix d'examiner la forme variable que prend dans chaque collectif le partage entre nature et culture. Ces deux éléments étaient en fait présents depuis plusieurs décennies dans la littérature ethnographique, et on sait qu'il est hasardeux d'expliquer l'émergence d'un programme de recherche comme le résultat d'une lente maturation de germes qui auraient été semés par des précurseurs audacieux. Alors je propose quant à moi de décrire ce programme ontologique comme un état d'équilibre très délicat entre critique, généralisation et comparaison. Et je pense qu'on peut le comprendre comme un déplacement de la formule mise en place par Strasern que je viens de décrire. Alors, je le qualifie de néoclassique pour faire ressortir un ensemble de très surprenant de ce modèle théorique. Tout d'abord, le primat qu'il accorde à des ethnographies très traditionnelles dans leur forme, c'est-à-dire peu ou pas touchées par le type de réflexivité et d'écriture promue par les postmodernes, mais très traditionnelles aussi dans leur contenu. Tous les cas qui lui servent de pivot, et qui sont devenus depuis 15 ans de véritables classiques, un repris dans un jeu de renvois croisés, incarnent des formes relativement pures de l'altérité culturelle. Ils correspondent à des terrains menés à la fin des années 70 et au début des années 80, dans les rares sociétés encore peu touchées directement par la modernité occidentale, à un moment où le postmodernisme mettait pourtant sur le devant de la scène les processus d'hybridation culturelle d'un monde globalisé. Ce point... Ça fait mal à la gorge. Est d'ailleurs renforcé par le choix de chercher ailleurs que dans l'acculturation l'explication des caractéristiques de ces sociétés. Alors, on trouve un très bon exemple au tout début de From the Enemy's Point of View, où Viveiros de Castro refuse de rendre compte de l'inconsistance sociologique de la société arawété, absence de toute morphologie sociale stable. Il refuse de dire on a quelque chose qui est le résultat de la destruction produite par le contact avec l'Occident, mais il le voit au contraire comme le symptôme ou plutôt comme le résultat, disons, d'une métaphysique fluide. Donc l'autre dimension de ce néoclassicisme réside dans le réinvestissement des concepts qui ont forgé l'identité de l'anthropologie entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, en particulier ceux d'animisme et de totémisme. Même redéfinis en profondeur, ils témoignent d'un retour à une forme de généralisation que l'ethnographie américaine de la première moitié du XXe siècle avait dénoncée. L'objectif indissolublement épistémologique et politique de cette anthropologie, c'était de rendre à ces cultures leur singularité, en détruisant les grandes catégories sous lesquelles on voulait les subsumer, pour montrer qu'elles étaient toutes équivalentes. Pour Lowy, par exemple, rassembler sous l'étiquette de totémisme les sociétés australiennes et nord-américaines, c'est faire preuve d'une finesse anthropologique comparable à celle d'un biologiste qui confondrait les baleines et les poissons. Et on peut considérer que les critiques formulées par Goudy et Bourdieu dans les années 60 n'ont fait qu'accentuer ce mouvement de singularisation en le portant à l'intérieur des cultures. Contre les anthropologues qui croient qu'une culture forme un système intégré, l'enjeu est de montrer que les discours et les pratiques ne peuvent pas être détachés de leur contexte. Or, de manière très frappante, depuis une quinzaine d'années, c'est le mouvement inverse qui prime, avec la reconstruction de systèmes métaphysiques transculturels. Or, je crois qu'il serait trop facile de dire que s'installer sur le terrain de l'ontologie ou de la cosmologie implique nécessairement ce choix, hein, parce que des ontologies, on n'en trouve pas beaucoup de par le monde. Un livre comme celui de Frédéric Barthes, Cosmologies in the Making, prouve que ce n'est pas le cas. Chez lui, le principe de symétrie ne sert pas à affirmer que les cultures néo-guinéennes ont une métaphysique de la même manière que l'Occident en a une, mais plutôt à dire que des experts rituels locaux produisent des cosmologies qui diffèrent les unes des autres de la même manière que, par exemple, les théories anthropologiques de l'école anglaise diffèrent les unes des autres. Et on pourrait ajouter, hein, de la même manière que les constructions métaphysiques diffèrent les unes des autres à l'intérieur d'une tradition philosophique. À la différence de ce qui se passe dans le programme ontologique, la confrontation des cosmologies n'est pas le privilège de l'anthropologue, car ces experts rituels se connaissent, dialoguent, se rendent visite et créent en contexte des variantes à partir d'un fond commun. Hein, on est là, en fait, dans le droit fil de la délégation comparative de Lévi-Strauss, hein, même si Barthes lui donne une coloration plus empiriste en exigeant de voir sur le moment comment se sont faits les transferts, etc. Hein, les différences, disons, entre eux et eux, hein, entre deux sociétés voisines proches, continuent à primer sur les différences entre eux et nous. De ce point de vue, hein, l'écart avec ce que j'ai qualifié de programme ontologique est manifeste. Or, ce n'est pas dans cette voie, hein, tracée par Frédéric Barthes, que la théorie anthropologique s'est engagée dans les dernières décennies. Ce qui fait défaut au livre de Barthes, c'est la capacité d'inquiéter frontalement la métaphysique occidentale. Et c'est aussi la problématisation de son propre point de vue. Hein, en un mot, ce livre est pré-postmoderne. Hein, à la différence, on va le voir, du programme ontologique, dont il me reste quelques minutes pour donner une description positive. Alors, la naissance de ce programme ontologique peut être faite une nouvelle fois à partir de la corrélation de personnalité. Deux manières de déstabiliser ce qui était devenu l'axe cardinal de l'ethnographie vont se combiner. D'une part, avec les travaux de Philippe Descola et Tim Ingold, on assiste à une reprise du problème classique de la distribution des personnes, à partir du constat que les sociétés de chasseurs-cueilleurs se montrent plus libérales que nous, en accordant la condition de personne à un grand nombre d'animaux et de plantes. Alors, en un sens, ce constat est aussi vu que l'anthropologie. Mais les modalités par lesquelles ce résultat est établi sont déterminantes pour comprendre le retour de ce problème sur le devant de la scène anthropologique. Car l'enjeu est rien moins que rendre une dignité théorique à ce qui était jusqu'alors regardé comme un des symptômes les plus disqualifiants de la mentalité primitive. Or, le moyen par lequel Philippe Descola et Anne-Christine Taylor y parviennent, c'est un découplage entre la corrélation de personnalité et la situation de dialogue. Alors, c'est un point qui a son importance au regard de l'histoire de la métaphysique occidentale, puisque chez Descartes, hein, on sait que la coupure entre le sujet humain et les animaux-machines repose très concrètement sur la capacité à soutenir une conversation. Or, ce que Philippe Descola met en évidence chez les HEA, c'est l'inclusion du dialogue dans un continuum de pratiques communicationnelles ordonnées en fonction de leur caractère plus ou moins immédiat et plus ou moins unilatéral, qui crée une hiérarchie correspondante de degrés de personnalité. Hein, les animaux, ce sont ceux avec qui on peut interagir de manière plus riche, par exemple, que les plantes à qui on peut s'adresser mais qui ne peuvent pas s'adresser à nous en retour. Or, on comprend aisément le pouvoir d'interpellation que ce constat pouvait avoir pour une anthropologie qui avait érigé le dialogue en norme absolue de reconnaissance de l'altérité et qui avait fait de la restitution de leur voix aux sans-voix indûment objectivées son programme théorique et politique. Parallèlement à cette remise en question de la distribution des personnes, une autre ligne de front se dessine dans les travaux d'Eduardo Viros de Castro sur l'économie du point de vue. « From the enemy's point of view » doit être lu comme une subversion ethnographique du postmodernisme. Il combine en effet un refus explicite de toute expérimentation littéraire avec l'exercice assumé d'une certaine forme de violence herméneutique. L'enjeu pour Viveros de Castro n'est pas d'essayer de formuler les conceptions des Araouété comme eux-mêmes les formuleraient, en faisant place à la multiplicité de leurs voix dans l'écriture. Au contraire, Viveros de Castro s'emploie à extraire des chants épars des chamans un système métaphysique solidement charpenté qui vient remettre en question notre manière de faire jouer les concepts de point de vue et de personne. Autrement dit, Il s'agit de faire passer l'ethnographie de la position de cible d'une critique menée depuis les moyens de la littérature à celle de ressources critiques. La force de l'argument consiste à montrer que la métaphysique de la représentation est bien plus durement ébranlée par la formulation d'une contre-métaphysique que par la démystification interne à laquelle le postmodernisme avait voulu la soumettre. L'esthétique et la politique du postmodernisme, qui consistait à lutter contre l'objectivation en restituant à chacun sa capacité à tenir un discours égocentré, se trouve remise en question par la description d'une variante inversée de la corrélation de personnalité, dans laquelle ce n'est pas ego, moi, mais l'autre qui occupe la position dominante. C'est tu et non je qui occupe chez les Araouétés la position dominante. Chez les Araouétés, le meilleur point de vue sur soi est celui de l'ennemi, et corrélativement, l'idéal de la personne n'est pas le moi, mais celui que je ne peux pas être, l'autre qui trouve son incarnation suprême dans la figure des dieux cannibales. Le programme ontologique naît en fait du croisement de ces deux mouvements qui s'opèrent dans les leçons de 1998 sur le perspectivisme prononcées par Eduardo Viros de Castro en Angleterre. Alors sa formule est en fait comparable à celle de Strasern dans la mesure où il s'agit de réarticuler autour d'une autre économie des personnes les deux axes définis d'une part par la critique exercée par l'anthropologie et d'autre part par la critique sur laquelle l'anthropologie se branche. Je vais essayer d'expliquer ces points tout de suite. Alors si From the Enemy's Point of View est probablement la remise en question la plus profonde du postmodernisme, il lui manquait la puissance offerte par le branchement sur un mouvement politique comparable au féminisme chez Strasern. Or c'est ce que les travaux de Descola et Ingold sur l'animisme permettent dans le contexte de la crise écologique des années 90. La problématique de la distribution des personnes, centrée sur les animaux, acquiert une puissance critique inédite en raison de la résonance qu'elle trouve dans les mouvements écologistes, et en particulier dans la controverse montante sur les droits des animaux, dont Philippe Descola fait dans Part de la nature et culture la remise en question la plus radicale du naturalisme. Mais réciproquement, la théorie alter-centrée du point de vue de Viveros de Castro fait subir au courant écologiste un traitement analogue à celui que Strasern faisait subir au féminisme. Le risque inhérent à certaines versions de la remise en question de la distribution occidentale des personnes, je pense en particulier à l'anthropologie de Tim Ingold, c'est en effet de suivre trop docilement la pente de la nouvelle sensibilité écologique des sociétés post-industrielles, en esquissant à partir des sociétés de chasseurs-cueilleurs l'image d'un monde enfin habitable, fondé sur une intersubjectivité non exclusive étendue à l'ensemble de l'environnement. Or, un tel monde, gagé sur les ressources conceptuelles de la phénoménologie, a peut-être le défaut de nous être trop familiers, et court le risque de laisser échapper les vertus de l'altération anthropologique. Je crois que la grandeur d'Eduardo Viros de Castro est d'avoir restitué à la cosmologie amérindienne son caractère inquiétant, détournant ainsi de son cours la puissance acquise en s'appuyant sur des mouvements écologiques occidentaux. Autrement dit, je pense que les mouvements anthropologiques sont intéressants quand à la fois ils arrivent à capter une partie de la puissance d'un mouvement politique et en même temps à le détourner de son cours et à ne pas simplement abonder dans un sens déjà défini. Puisque donc chez Viveros de Castro, à l'inverse du dispositif occidental d'objectivation, le perspectivisme conçoit la relation à l'autre comme une relation entre personnes et pas comme une relation entre sujet et objet. Mais cette relation ne revêt pas du tout la forme pacifiée du dialogue ou du soin. Elle adopte au contraire le visage terrible de la prédation et du cannibalisme. Le dispositif à deux dimensions, au moyen duquel Marilyn Strasern avait relancé la production du savoir anthropologique, se trouve ainsi reconstitué, à ceci près que le perspectivisme prend la place qu'occupait le don et que l'écologie se substitue au féminisme. Mais la différence principale est que ce nouveau dispositif va se stabiliser sous la forme d'un programme de recherche. Et ce, je crois, pour deux raisons. Tout d'abord, sa base ethnographique est beaucoup plus assurée. Dans la mesure où les problèmes de la redistribution des personnes et de la reconceptualisation du point de vue sont directement pris en charge à ce niveau, à l'intérieur de l'ethnographie, l'ethnographie passe tout entière du côté des ressources critiques, et plus des cibles de la critique. L'ère des incertitudes postmodernes est close, ce qui se traduit par la consécration d'une série d'ethnographies qui deviennent de véritables classiques. D'autre part, la capacité à accomplir mieux que le postmodernisme lui-même la remise en question de la métaphysique occidentale de la représentation restaure l'autorité de l'anthropologue. parce qu'elle est retournée contre l'Occident, la construction de grands systèmes métaphysiques transcontextuels et transculturels retrouve une légitimité qu'elle perdrait instantanément si elle était dépouillée de ce potentiel critique et qu'elle apparaissait, par exemple, comme une manière d'enfermer des peuples non occidentaux dans une mentalité incompatible avec la pensée scientifique. Alors, de ce point de vue-là, je pense que la critique fait partie de la texture même du type de savoir qui est produit. Alors ceci m'amène à la conclusion. En anthropologie, le terme d'ontologie ne correspond ni à une nouvelle méthode d'analyse, ni à un nouvel objet de recherche. Il mesure la profondeur d'une inquiétude. Jusqu'ici, la description ethnographique n'avait jamais réussi à inquiéter l'Occident que sur ses mœurs, peut-être parfois sur sa politique. En entreprenant de toucher à l'économie des personnes, elle parvient aujourd'hui, à la faveur de la crise écologique, à atteindre quelque chose de plus profond. Mais cela signifie qu'atteindre le plan ontologique n'est pas quelque chose qui pourrait s'obtenir par la seule décision de laisser notre nature de côté. Le succès de l'opération dépend de la capacité à capter une vibration d'une fréquence très particulière, capable, par un phénomène de résonance que j'ai essayé de décrire, d'ébranler simultanément l'édifice du savoir anthropologique et de faire dévier de leur axe des critiques autochtones occidentales. Or, la leçon des deux dernières décennies est qu'en ce sens, il n'y a qu'une seule contre-ontologie disponible. Qu'on l'appelle animiste ou perspectiviste, elle seule a su engendrer un tel trouble. En témoigne le privilège sans précédent que l'ethnographie américaniste a acquis sur le plan de la théorie anthropologique. Dans « Nous n'avons jamais été modernes », Bruno Latour appelait de ses voeux une anthropologie qui relativiserait les modernes en montrant qu'ils diffèrent des autres collectifs de la même manière que, par exemple, les hachoirs diffèrent des tapis râpés. 20 ans plus tard, on constate que ce n'est pas dans cette voie que l'anthropologie s'est engagée. La clôture des dispositifs comparatifs contemporains en témoigne. Loin de faire proliférer les natures-cultures, elle a fait de la relation duelle la clé de voûte de son programme théorique. À dire cela, ça n'est pas prendre parti dans la querelle qui oppose Philippe Descola et Eduardo Vieiros de Castro. Car chez Philippe Descola lui-même, l'animisme n'a pas le même statut que le totémisme et l'analogisme. Même si les quatre ontologies sont reconstruites à partir d'une théorie du sujet divisée en physicalité et intériorité, il est clair que l'élaboration du dispositif comparatif s'est faite de la manière suivante. Ayant identifié les dimensions qui permettaient de décrire l'animisme comme une variante inversée du naturalisme, par-delà nature et culture, s'est donné pour tâche de compléter les cases restées vacantes de la combinatoire ainsi définie. En d'autres termes, une contre-ontologie ouvre l'espace de deux autres ontologies, mais dont les coordonnées sont déjà précalibrées. C'est la raison pour laquelle il est inutile de parcourir le monde à la recherche d'une ontologie de plus. En revanche, il est manifeste que ces deux autres ontologies ne partagent pas la même puissance critique, comme en témoigne la difficulté que Philippe Descola a à les faire entrer dans la problématique de la personne, dans le chapitre intitulé « Métaphysique des mœurs », où il dit bien, voilà, l'animisme met frontalement en question notre distribution des personnes, mais par contre, quand il s'agit de voir qu'est-ce qui compte comme personne dans l'analogisme ou dans le totémisme, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, à mon avis, si cette querelle entre Philippe Descola et Eduardo Vieiros de Castro rend bien visible le point d'hérésie du programme ontologique, celui-ci ne porte pas sur le privilège de l'ontologie amérindienne, mais sur l'équilibre entre la puissance critique et le potentiel descriptif de l'anthropologie. Car le point d'équilibre entre ces deux dimensions est désormais derrière nous. Même si la description du perspectivisme ou de l'animisme peut toujours être enrichie, ces grandes lignes sont fixées depuis plusieurs années. Et pour continuer à avancer, le programme ontologique a besoin d'un autre combustible. Alors le choix fait par Philippe Descola a été en quelque sorte de convertir la chaleur en mouvement en élargissant le dispositif à des ontologies acritiques, alors que le choix d'Eduardo Vieiros de Castro a été en revanche de porter le perspectivisme à son point d'incandescence, mais avec la nécessité de le lester de plus en plus fortement à l'aide de ressources internes à la philosophie occidentale, en l'occurrence la métaphysique de Leuzien. Alors on aurait tort, je pense, de s'émouvoir de l'intrusion de matériaux étrangers aux données ethnographiques. Ils font partie intégrante, dès le départ, de la formulation d'une contre-ontologie. En réalité, je pense que chacune de ces deux tentatives comporte un risque égal. Parce que si c'est bien la puissance critique du programme ontologique qui a permis la restauration de l'autorité anthropologique, faire baisser le niveau de la critique en détourner la puissance pour composer une nouvelle encyclopédie, comme le fait Philippe Descola, n'est pas une opération moins risquée que la conversion de l'anthropologie en une forme assumée de dissidence philosophique. merci infiniment pour cette présentation qui est en fait une lecture très éclairante de l'histoire de la discipline anthropologique. C'était une des tâches que s'était donné ce séminaire, d'essayer de penser ce qui se passe en ce moment dans les rapports entre anthropologie et philosophie. Et de ce point de vue-là, vraiment merci beaucoup, parce que c'est très éclairant et c'est très riche. Et ça permet de donner une place au tournant anthropologique tout en le remettant à sa place d'une certaine façon, c'est-à-dire en lui restituant sa place dans l'histoire de cette discipline. Je vais tout de suite donner la parole à Isabelle Jabiot, qui est anthropologue, et qui va donc se livrer à l'exercice de répondre. Qui est ethnologue. Ethnologue, pardon. Que je défends. Tout court. Et donc, je ne vais pas m'arrêter, en fait, sur le contenu de l'argumentaire. Donc, si je reprends rapidement, vous définissez le tournant ontologique comme une réponse circonstanciée à la crise postmoderne et qui n'a pu émerger qu'à travers cette opération de délégation, qui ne peut se comprendre qu'à travers l'histoire des sciences et qu'à travers les opérations de délégation précédentes. Et que, du coup, ça en fait l'émergence de la naissance d'une anthropologie néoclassique. C'est une argumentation qui, de mon point de vue, j'ai trouvé tout à fait convaincante. C'est un argumentaire qui se tient très bien. Je salue ce travail parce que je pense que ça a vraiment beaucoup d'intérêt pour les ethnologues et les anthropologues, surtout les jeunes chercheurs comme moi. Pour autant, donc, je ne vais pas m'arrêter sur les rouages de l'argumentation. Je vais plutôt faire part de remarques. La première est une remarque qui concerne plutôt les ethnologues, mais qui je me suis demandé comment est-ce que ce concept de délégation pouvait être utilisé d'un point de vue pouvait être devenir un outil ou un mot d'ordre méthodologique pour faire de l'ethnographie. Donc est-ce que ce concept de délégation peut apporter quelque chose de plus pour nous qui faisons du terrain, en plus de toutes les questions de rapport à la production ethnographique que vous restituez dans votre présentation. J'ai eu un autre niveau de question qui était une question assez tenace et qui était de savoir, puisque votre argumentation vous la fondez sur un certain nombre d'auteurs, pourquoi finalement on a cette double restriction, d'une part du point de vue des auteurs qui sont choisis, puisqu'on a essentiellement Descola et Giraud-Descastro, pour simplifier, et du point de vue de la définition même d'ontologie, puisqu'ici le terme ontologie est pris à la fois en termes de, comme une manière de découper le monde, pour vous reprendre, ou bien comme une cosmologie. Et donc, je me posais la question de cette restriction, puisque c'est la question du tournant ontologique, en tout cas de la mouvance ontologique, elle est aussi travaillée par d'autres auteurs, Sophie Houdard, qu'on a entendu la semaine dernière, Latour, sur lequel vous passez, et également sur Albert Piette. Donc pourquoi, ma question est simple, pourquoi le choix de se focaliser sur ces auteurs et sur cette approche de l'ontologie ? Et je vais m'arrêter un petit peu plus sur le travail d'Albert Piette, puisque c'est un travail que je reprends dans mon travail de thèse. Donc, on ne peut pas dire qu'Albert Piette fasse partie du programme ontologique tel que vous le définissez. Néanmoins, il fait partie de la mouvance ontologique, c'est-à-dire de cette mouvance actuelle de réfléchir sur la question des êtres et de leur existence. Ça, c'est une certitude. Et qu'il a publié d'ailleurs en 2012 un ouvrage qui s'appelle « De l'ontologie en anthropologie ». Je vais faire une citation pour exprimer clairement comment il se positionne, notamment par rapport à Descola. Et en fait, il dit « Il importe ainsi de distinguer d'une part la science des ontologies, ou des cosmologies locales, et d'autre part une science des hommes, comprenant des observations comparées avec d'autres êtres. Ce qui suppose de combiner diverses postures dans son observation-description de l'animal, de la divinité, de l'État, pour en repérer leur mode d'agir et d'être. » Donc la question en fait qu'il pose est de savoir comment sont ces êtres, comment existent-ils, comment subsistent-ils, mais aussi au-delà de leur propre relation immédiate avec l'homme, puisque chez Descola, le primat est quand même sur la relation. Et en d'autres termes, c'est la différence entre une science des ontologies, c'est-à-dire une science des propriétés attribuées aux êtres, et une ontologie comme science comparée des êtres. Et une science comparée des êtres qui vivent, qui existent, qui continuent, qui subsistent et qui sont présents. Pour ce faire, il développe une méthodologie qui est une méthodologie phénoménale sur la phénoménographie, sur l'anthropologie existentielle, sur l'anthropologie du détail, et qui propose de suivre l'individu à la fois dans sa singularité et à la fois dans la continuité des situations de vie qui se succèdent. Bon, je travaille sur cette question de comment prendre les outils de Descola et ceux d'Albert Katz. C'est pourquoi je fonde ma remarque sur ça. Et du coup, à mon sens, tout commence avec votre conclusion, quand vous dites que le programme ontologique que vous définissez n'ouvre pas sur un nouveau programme de recherche ni sur un nouveau programme méthodologique. Et si on prend en considération ces autres manières de voir les ontologies en anthropologie, je pense que là peut émerger justement un nouveau programme de recherche et que c'est en train de se faire. Et justement parce qu'on reprend en compte cette pluralité de manières de définir et de travailler les ontologies. Et du coup, une autre question, ce serait de me dire comment est-ce finalement vous analyserez le fait qu'on travaille sur la diversité des êtres est-ce qu'on peut y voir, si on prend en compte les autres travaux qui travaillent plus sur la question des êtres que sur les ontologies, comme Ouda ou Piet ou bien d'autres, est-ce que le concept de délégation aussi pourrait s'appliquer? Et sinon, comment est-ce que vous situez ces travaux par rapport à ceux du programme ontologique que vous avez pris comme point d'appui? Et je ferai juste une dernière question sur la question de la délégation, qui serait de savoir, au-delà de l'ontologie en anthropologie, est-ce que ce concept il peut être appliqué aussi à d'autres courants de l'histoire de la discipline? Et de la même manière, est-ce qu'il peut être, au-delà de la discipline anthropologique, est-ce qu'il peut être utilisé dans d'autres disciplines? Et je me demandais aussi en lisant, mais a priori, d'après les discussions que j'ai eues, ce n'est pas un concept qui en soit développé en philosophie, est-ce qu'il pourrait être utile aussi pour avoir une lecture métaphysique? Et du coup, je ferai une dernière question sur une ouverture, puisque c'est aussi l'objet de ce séminaire, sur la question de la définition même du terme ontologique et des postures adoptées en philosophie pour définir le terme. D'accord. Il y a beaucoup de choses, merci. Alors, j'ai commencé par justifier en fait mon choix hein, d'avoir effectivement restreint la définition du tournant ontologique effectivement à un petit nombre d'auteurs. En fait, c'est pour une raison simple qui est que le projet sur lequel je travaille depuis un moment et que j'essaye de poursuivre à travers ce texte, c'est en fait une histoire du comparatisme. Or, j'ai choisi les auteurs qui ont abordé la question ontologique à partir quand même d'un modèle comparatiste. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas de Latour, ni je pense des autres, c'est-à-dire que chez Latour, il y a effectivement une pluralité de modes d'existence, mais ce ne sont pas des modes d'existence qui sont comparés. Hein. Ce sont des modes d'existence qu'il s'agit au contraire de distinguer les uns des autres, en quelque sorte. C'est pas du comparatisme au sens de... Un tableau des modes d'existence, c'est un projet absolument comparatif entre les systèmes. Mais c'est pas du comparatisme entre des cultures. Voilà, c'est une forme de... C'est une autre... En fait, c'est une autre... C'est une autre forme de pluralisme, en fait. C'est pas le même type de pluralisme que... Tu définis le comparatisme par un objet ou est-ce que tu le définis par une démarche? C'est un peu la question qui devrait t'intéresser dans l'histoire du comparatisme. Oui, mais si tu veux, chez Descola ou Viveros de Castro, tu as affaire à des ontologies qui sont sur le même plan, des ontologies qui sont alternatives, si on peut dire. Tu es dans une ou dans l'autre. Chez Latour, c'est pas du tout la même chose, c'est que tu es chez les modernes et tu déploies des modes d'existence chez les modernes qui sont tous valides en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de comparatisme au sens alternatif. Je ne suis pas d'accord, parce que le comparatisme, justement, cherche à montrer à quelles conditions ils sont tous valides, à quelles conditions les différentes ontologies, par exemple, sont toutes valides, aussi en un certain sens, ensemble, en fait. L'autotémisme, l'analogisme, etc., sous des conditions, effectivement, de permutation d'un certain nombre de critères, tu vas leur donner un monde, en fait, leur donner une place commune. Oui, mais tu ne peux pas être dans tout en même temps, en fait. C'est dans l'une ou dans l'autre. Mais l'être humain a les capacités de produire les quatre types d'ontologie et qu'une culture... Oui, bien sûr. Non, mais il ne s'agit pas de dire qu'une ontologie, c'est fermé, qu'on est enfermé à l'intérieur, etc. Mais honnêtement, je pense qu'on a affaire... Alors, ce serait tout aussi intéressant de faire le travail sur Latour, mais à deux formes de pluralisme vraiment très différentes, qui sont toutes les deux d'authentiques pluralismes, mais qui ne fonctionnent pas de la même manière. C'est-à-dire que chez Descola ou Viveros de Castro, il s'agit de mettre en question l'ontologie occidentale en faisant valoir un autre modèle qu'on trouve ailleurs à partir d'une tradition qui est celle de l'anthropologie sociale assez classique. Chez Latour, le problème est différent. Le problème, c'est celui de l'écart entre l'ontologie officielle et moderne, disons, hein, celle qu'ils disent avoir et celle que leur pratique manifeste. Non, c'est mettre en question l'hégémonie du mode de connaissance, du mode d'existence scientifique dans la diction des ontologies. Ouais, mais mettre donc... en question une activité critique qui utilise par ailleurs la technique des erreurs de catégorie, qui est la technique des malentendus culturels, la relativisation en fait à l'intérieur d'un, à l'intérieur de paramètres en fait permutables qui donnent lieu à une table, un système en fait, etc. Donc je pense effectivement. Et toi, tu trouves que c'est piège. Je pense que la question est beaucoup plus, en effet, la question de savoir si piège est comparatif, dans quel sens il est, etc., est plus compliquée. La question ne se pose même pas, c'est une évidence, bien sûr. Bien sûr, il l'est tout autant, mais c'est plus compliqué parce que par rapport à la tour, là on a carrément en fait les méthodes, même si ce n'est pas l'objet, mais la méthode est comparatiste. Pour Piette, à Init, c'est une autre méthode comparatiste, mais c'est une méthode effectivement des singularités. Mais c'est la comparaison des singularités. Voilà, c'est la comparaison par la singularité, par l'excentricité radicale ou l'exceptionnalité radicale de chaque singularité. Donc elle aussi a une puissance critique. Je pense effectivement la réponse par le comparatisme n'est pas suffisante. Moi je pense qu'il y a une. Un des points que j'ai voulu faire, c'est que ontologie, ce n'est pas juste voilà, un objet qu'on peut définir comme ça, qui a un geste critique qui est nécessaire si on veut être pris au sérieux en parlant d'ontologie. Chez Descola ou Viveros de Castro, ce geste, il est fait en allant chercher ailleurs un autre modèle qu'on peut opposer au nôtre. Chez Latour, c'est pas ce geste-là, c'est montrer que nous avons un écart à nous-mêmes entre justement notre discours et nos pratiques. Donc je pense qu'il y a quand même deux gestes, deux traditions assez différentes. Hein. Latour n'est pas dans la tradition classique de l'anthropologie sociale, ça n'est d'ailleurs jamais revendiqué. Et donc c'est pour ça que je pense que ce serait difficile d'essayer de faire rentrer, par exemple, l'entreprise de Latour à toute force dans cette histoire-là dont il ne fait pas véritablement partie, et qu'il faudrait, si on veut rendre justice au pluralisme de Latour, qui est un authentique pluralisme, passer par une autre forme d'histoire. Donc, quelque part, si je reviens à mes questions, ça voudrait dire que le concept de délégation ne pourrait pas s'apporter, si. Enfin, parce que, certes, ils sont dans des démarches différentes, mais ça participe dans tout. Qui fait qu'aujourd'hui on travaille sur les questions des ontologies, qu'on se situe dans le pluralisme de Piette ou dans la radicalité de Piette enfin. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, d'une part, le concept de délégation, c'est un concept que j'ai forgé pour essayer de rendre compte de ce qui se passait ici. Alors, il n'a pas prétention à être une clé qui ouvre toutes les portes. C'est-à-dire, je ne dis pas a priori qu'il n'est pas pertinent ailleurs, il y a d'autres moments qu'on peut très bien concevoir comme des opérations de délégation. En un sens, le moment inaugural de l'anthropologie peut très bien être conçu comme une forme de délégation de la culture, hein, qui était auparavant considérée comme une opération, enfin quelque chose d'élitiste, qui était mobilisé, dont il n'existait qu'une seule version légitime, et qui a été ensuite reversée du côté de l'enquête, en essayant de saisir toutes les variations qu'il pouvait avoir. Alors, c'est un geste qui a très certainement, depuis un certain temps, perdu son potentiel critique, mais qui, à l'époque, avait, je pense, une puissance de remise en question qui n'était pas moindre que celle à laquelle on assiste aujourd'hui. Donc, je pense qu'il peut s'appliquer ailleurs. Après, il ne s'agit pas de dire qu'on pourrait saisir à n'importe quel moment de l'histoire des sciences à partir de ce concept-là. Je ne pense pas que ce soit vrai. Et pour ce qui est de la définition de ontologie, effectivement, c'est une autre des raisons qui m'a poussé à restreindre le champ que j'étudie à ces auteurs-là, c'est que c'est des auteurs pour lesquels la définition de ontologie est quand même en gros distribution des ressemblances et des différences, qui est, on l'a vu d'ailleurs en colloque de Cerisy, donc qui a eu lieu cet été, une définition que Latour refuse complètement, par exemple. Hein, pour lui, le problème de l'ontologie, c'est pas du tout ça. Hein, c'est pas de montrer qu'il y a des manières concurrentes de distribuer, enfin, ou alternatives plutôt, de distribuer les ressemblances et les différences, c'est de montrer qu'il y a différents formats d'être qui ne répondent pas à cette question précisément de distribution des ressemblances et des différences. Hein, donc là aussi, on a une manière de prendre la question ontologique qui, à mon avis, est assez différente. Et je pense que si on veut dire quelque chose de pertinent sur ce tournant ontologique, il faut quand même faire attention de voir à chaque fois quel type de mouvement interne aux sciences sociales, aux disciplines, il recouvre. Et je pense qu'il y a des différences qui sont importantes de ce point de vue-là. Ma curiosité de ma question. La question. De savoir quelle lecture vous auriez sur les autres mouvements ontologiques, si on dit ça comme ça. Vous voulez dire faire la même chose avec les autres? C'est du boulot, ça. C'est-à-dire que le choix, hein, que le style de pratique philosophique que j'essaye de mettre en œuvre, hein, qui passe justement par l'histoire des sciences, ça veut dire que le philosophe vient pas avec un modèle qui d'emblée pourrait situer absolument tout le monde partout. Je pense que situer quelqu'un, c'est quelque chose, si on veut le faire de manière relativement intéressante et d'en dégager des choses, qui demande à chaque fois un travail important. Donc, je ne me risquerai pas à développer ici en 2-3 minutes une histoire qui permettrait de prendre la tour de la même manière. Je pense effectivement que ce travail est tout aussi nécessaire, parce que je pense qu'il y a un risque en fait dans la réception, notamment chez les philosophes, du concept d'ontologie, qui est de dire soit c'est très bien parce que les sciences humaines finalement en viennent finalement, après avoir fait un détour d'un siècle, elles reviennent chez nous, ils commencent enfin à dire des choses intéressantes, alors que pendant un siècle ils se sont mis à décrire des choses qui ne nous intéressaient pas tant que ça, et maintenant ils reviennent sur le bon terrain qui est celui de l'ontologie. Enfin, ça c'est une première réaction possible pour les philosophes, ou une deuxième réaction symétrique et inverse qui consiste à dire non, vous n'avez pas le droit de parler d'ontologie, ce que vous décrivez c'est tout à fait autre chose, et de poser comme ça une sorte de critique épistémologique préalable qui serait contre cette fois-ci le terme d'ontologie. Et donc je pense que le moyen pour des philosophes de recevoir ce qui s'est passé d'important sans tomber dans aucun de ces deux écueils, c'est de repasser par l'histoire justement de ces disciplines pour montrer qu'elles répondent à des problèmes précis, hein, et en particulier je pense que dans l'anthropologie dont j'ai fait l'histoire, c'est ce problème de l'économie des personnes qui a été absolument moteur, que ontologie a servi avant tout à saisir ça, c'est-à-dire que ontologie n'a pas servi à traiter tous les problèmes que peut poser l'être, mais qu'il a avant tout servi à déstabiliser l'économie des personnes et la manière dont elle avait été d'abord mise en œuvre par l'anthropologie classique, puis critiquée par l'anthropologie postmoderne. Hein, et de ce point de vue-là, par exemple, si on prend par rapport au moment postmoderne, l'apport sur le concept de personne est double, c'est que dans le moment postmoderne, on dit qu'on a dénié le statut de personne à des gens, mais on sait d'avance qui sont les personnes, qui doit compter comme personne. Hein, ce sont par exemple les colonisés, les femmes, etc. Alors que dans le moment effectivement Giraud de Castro d'Escola, on réouvre complètement le concept de personne, hein, jusqu'à montrer qu'il peut intégrer des choses que les postmodernes eux-mêmes n'avaient même pas envisagé qu'ils pourraient rentrer à l'intérieur. Deuxième acquis, le postmodernisme pensait que sa critique, hein, se fondait sur l'idée que c'était la capacité à tenir un discours en première personne qui était le standard de reconnaissance, hein, que devaient adopter les sciences sociales. Or, la démonstration par le biais de l'ethnographie, par Viveros de Castro, que en fait, cette idée de la reconnaissance en première personne n'est qu'une variante, finalement, un modèle assez ethnocentrique de concevoir la corrélation de personnalité, là on a un deuxième gain analytique assez fort, je pense, hein, qui joue un rôle central pour comprendre ce qu'il y a d'intéressant dans la manière dont il mobilise la notion d'ontologie, je crois. Juste une remarque sur les deux questions d'Isabelle. Parce que moi j'étais vachement convaincu par ton histoire, et la distinction ontologique que tu fais, en disant que ce n'est pas les deux mêmes problématiques ontologiques. Il y a une ligne de fracture de deux types de problématiques, et en plus, par la distinction que tu fais entre comparatisme et non-comparatisme. Alors, du coup, Catherine, Isabelle et Patrick ne sont pas d'accord sur cette question, mais sitôt qu'on l'entend, telle que toi tu l'as définie en réalité dans les structures de l'esprit, qui n'est peut-être pas la méthode la plus... je connais pas bien le dossier, mais qui n'est pas la méthode la plus simple directement. C'est-à-dire que tu montres comment est-ce que le comparatisme est en réalité toujours lié à un transformisme. C'est-à-dire qu'on va analyser le mythe X par distinction avec le mythe X-1 et le mythe X+1. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a à la fois comparaison et transformation. Et ça, on voit bien comment est-ce que c'est le modèle de Descola et d'Iveros, et comment est-ce que c'est pas du tout en réalité le modèle ni de Latour, ni de Piet, qui fonctionne sur des modes d'être distincts de l'animal, de l'homme. Donc là... Là, moi, je suis fin. D'ailleurs, une remarque pour le débat, je ne sais pas si tu veux. Je recommence un peu, moi, je n'ai pas bien compris. L'argument m'intéresse, mais je n'ai pas compris. Est-ce que tu veux dire qu'il s'agit plutôt, chez Iveros et Descola, de s'intéresser à des transformations qui sont à l'intérieur d'une cosmologie ou une écologie symbolique, alors que dans un paradigme précédent, qui serait celui du structuralisme classique, on a un niveau d'analyse qui est celui d'une espèce d'analyse synchronique et invariante dans les questions de cosmologie. Et donc, chez Descola et Iveros, on s'intéresse aux transformations internes de la cosmologie, c'est ça? Je veux dire, c'est où est-ce que tu peux parler de délégation? La transformation est un des modes de la délégation, justement. D'accord, ouais, mais c'est pas bon, tu vois, il y avait trois questions dans le... Ça, je suis d'accord avec ça, mais tu vois, l'idée de, que disait Gildas, tout ça, après. Je mets dans le statut de la non-personne, c'est un peu bizarre, mais c'est que t'assimiles quand même beaucoup et la comparaison et la transformation. Et ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément évident quand on parle comparaison à la base, c'est-à-dire que l'analyse... Le sens du donné se fait par différenciation avec les deux éléments en question dans la série d'une série. Ça, c'est. Ça ne me pose aucun problème. Et ça, cette thèse-là, qui consiste à dire que le sens du donné se fait par différenciation par rapport aux autres, il me semble qu'on ne la retrouve pas du tout chez Albert Piet, pas du tout cette problématique-là. Enfin, c'est une autre problématique de Latour. Et il me semble que chez Latour non plus. Bah, toute l'analyse, tout cas, bon, après, c'est un problème. C'est présent chez Latour. Ok. Je peux faire un point? Ah ouais. Là, il y a un point. Il y a juste besoin de faire une fiche pour un truc. Donc ça, c'est faux. C'est juste empiriquement faux. C'est-à-dire, Latour commence en faisant de l'anthropologie. L'anthropologie des sciences. Il fait l'anthropologie d'un laboratoire. Il prétend appliquer des méthodes anthropologiques, il est vrai, un peu, comment dire, un peu cavalière, d'une certaine manière. Bon, enfin, il a fait des petits terrains en Afrique, etc. Bon, en tout cas, il prétend... Non, mais attends, il n'a jamais été question de lui contester le statut d'ethnographe. C'est des questions de titre, etc. C'est vraiment des questions de fond sur le point de ce que tu dis qui me paraît effectivement très intéressant. Mais donc, un point, c'est c'est pas vrai qu'il n'ait pas fait pas partie de l'histoire de l'anthropologie. Et c'est important, non pas pour restituer la gloire de Latour, dont on se fiche bien, mais vraiment pour arriver au cœur de la question, effectivement, c'est-à-dire du rapport entre comparatisme et ontologie. Donc, de fait, il fait partie de l'histoire de l'anthropologie. Il se prétend anthropologue. Okay, il fait de l'anthropologie des sciences. Je croyais qu'il faisait de la sociologie des sciences. Eh bien non, justement. C'est une méthode anthropologique anti-sociologique, c'est-à-dire en fait anti-bourdieusienne en l'occurrence, et qui se revendique de l'anthropologie, c'est-à-dire la symétrisation des situations. Il y a des, si vous lisez par exemple La vie de laboratoire, c'est très clair, c'est vraiment une méthode anthropologique. Avec d'ailleurs une valorisation de la situation ethnographique, etc., etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la méthode, en fait, consiste à, et elle a le potentiel critique dont tu parles, en fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il s'agit de critiquer quoi? Il s'agit de critiquer ici la revendication d'hégémonie métaphysique des sciences. Oui, mais il s'agit de dire aussi que les sciences se sont trompées sur elles-mêmes. Non, mais elles se sont. C'est pas. Ça, c'est une manière de décrire la question. Le fond de l'affaire, ce qui va rendre le projet comparatiste, c'est de dire, cette hégémonie n'a pas lieu d'être, il y a d'autres manières, tout à fait, aussi profondément ontologiques, en fait, égales, en tout cas en dignité ontologique, de dire l'être, en fait, de faire être, d'une certaine manière. Et pour ça, il faut effectivement redécrire les sciences, mais il faut redécrire les sciences pour faire de la place aux autres, pour faire de la place aux autres êtres. Donc, le potentiel critique, il est lié. Troisièmement, la technique est comparatiste. Pourquoi? Parce qu'on part de situations de superposition, de malentendus, qui appellent des erreurs de catégorie, c'est-à-dire dans lesquelles on a des confusions, un peu comme des malentendus de type culturel, dans lesquels on croit que c'est la même chose. Par exemple, on croit que quand les gens parlent de don, ils parlent de ce que nous entendons par don. Mais non, la différence don-marchandise est une différence justement qui ne permet pas de caractériser l'opposition entre les occidentaux et les mélanésiens, parce que c'est une opposition interne entre occidentaux et les... Bon, donc c'est la même type de... on va faire le même type d'opération. C'est-à-dire, on va effectivement, moi j'appelle ça la recatégorisation contrastive. Et je l'écris, etc. C'est-à-dire, vous faites des écarts de différence, c'est-à-dire vous allez définir par différence, justement, c'est-à-dire le niveau ontologique permet justement d'installer un niveau de différenciation. de la science avec d'autres types de modes d'existence. Bon. Quels sont d'ailleurs les outils? Alors, non seulement donc, c'est de l'art, c'est contrastif, la technique ça s'appelle d'ailleurs des contrastes, hein. C'est comme ça que c'est le mot qui est utilisé, contraste. Bon. Et par ailleurs, en plus, en fait, hein, l'ontologie fondamentale, c'est l'ontologie de l'être en tant qu'autre. C'est-à-dire, c'est comment extraire justement des continuités à travers des différences. Bon. On est dans des terrains ontologiques relativement familiers qu'il faut, je ne dis pas que tout est égal à tout, c'est pas du tout la plongée, mais de l'extraire, justement, du champ des variantes qui nous intéressent, me semble de mauvaise méthode, quoi, et pas du tout pertinent. De même, d'ailleurs, pour un Liquette, que je connais bien, moins bien, mais je pense effectivement que c'est vraiment important de dire ça. Donc ça, c'est pour la faire la tour. Donc je pense que c'est absolument faux. Maintenant, la question fondamentale, c'est, bien sûr, la tour ne procède pas à la manière de Lévi-Strauss. Ça, on est d'accord. Il ne procède pas à la manière de Lévi-Strauss. En même temps, l'opération anthropologique est la même, c'est-à-dire c'est recatégorisation contrastive avec en fait un horizon d'opération critique hein, qui consiste à resituer le sujet pensant à l'intérieur de ce qu'il pense, c'est-à-dire en fait une inter-objectivation, en effet, mais pas du tout entre des objets, mais une inter-objectivation critique, on pourrait appeler ça, qui correspond à peu près à la description de Lévi-Strauss dans de l'anthropologie. Donc la question peut-être de fond, qui mais peut-être mériterait d'être travailler aussi, je veux dire, je pense, de ton point de vue, c'est effectivement, bon, peut-être que la transformation, c'est pas le tout du comparatisme. Bien sûr, j'essaie d'expliquer justement comment on en est sorti. Bien sûr, donc si on en sort, on en sort, et moi je suis Lévi-Straussien à fond, hein, donc je veux dire, c'est pas que je ne suis pas ça, mais donc, si on en sort, il faut en sortir par tous les bouts à la fois. Bon, donc maintenant, il y a une question, à mon avis, qui est très intéressante dans ce que tu fais. Alors d'abord, je dirais, moi, en t'écoutant, j'ai mon sentiment, c'est waouh, c'est très éclairant, donc il n'y a pas de... J'étais vraiment très impressionné par, effectivement, la puissance de ta démonstration, mais finalement, les questions m'ont permis de comprendre que j'étais vraiment, en fait, pas convaincu. Mais pas convaincu sur un point extrêmement, je pense, utile, c'est-à-dire la question qui est, au fond, dans le type de travail que tu fais, la question est presque méthodologique. À quoi sert l'histoire des sciences? C'est-à-dire, le type de travail que tu fais a la vertu d'ancrer de manière très précise, précisément, des inventions théoriques. Mais rapidement, s'il y a événement théorique, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se décroche, en fait, de ces histoires, en quelque sorte, locales et bien ancrées. Il y a quelque chose qui se décroche et qui donne lieu à des mouvements. Donc il y a un tournant métaphysique. Il y a un tournant ontologique. Et je ne crois pas qu'il faille avoir peur. Et c'est là où on doit être, nous aussi, comparatifs. Et c'est là où tu ne peux pas dire, non, ça n'a rien à voir. Ça a à voir, non seulement ça a à voir, mais le travail de Meyassou, l'histoire de Garcia, les tournants métaphysiques que vous voyez apparaître, ça, ils ne sont pas rien à voir avec ça. Oui, mais bien sûr, mais si tu veux raconter l'histoire de tout ça pris ensemble... Il y a une dialectique entre, je dirais, processus historique et mouvement. Puis on le retrouve dans l'histoire du structuralisme, d'ailleurs. Donc les gens ont des raisons singulières, en fait, d'opérer ce type de choses, mais il y a un moment où, sur un mode, d'ailleurs, qui est probablement celui du bien entendu, ils se disent, ah, mais on fait la même chose. Donc, effectivement, Viveros, De Castro et Descola, ils travaillent ensemble. Donc, mais Latour, Viveros et Castro, ils se disent l'un de l'autre, qui font la même chose. Et en même temps, effectivement, et ces opérations d'équation paradoxale sont, effectivement, font partie de ton objet, je crois, en tant qu'historien critique aussi. Voilà. Bien sûr, mais si tu veux raconter l'histoire du tournant ontologique en prenant d'emblée, tu vois, Meyassou, Garcia, Latour, Descola, tu ne peux pas raconter l'histoire, justement, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que tu prends une histoire qui est d'emblée une histoire de la métaphysique, en fait. Non. Mais non, c'est aussi une histoire critique, c'est... Hein, pour la métaphysique. C'est-à-dire une histoire d'un moment de rejet de la métaphysique et puis de sa résurgence, etc. Non, pas nécessairement. Moi, je pense que... Il y a une nouvelle question métaphysique et il est intéressant de voir comment, effectivement, il y a une convergence qui permet de créer des synergies, des articulations entre des champs, effectivement, qui sont plus ou moins. C'est la question de savoir si... C'est un objet historique. Oui, bien sûr. C'est un autre type d'objet historique, mais c'est un objet historique légitime aussi. Mais la question, par exemple, de savoir si Latour et Viveros et Castro font la même chose, une question assez intéressante qui s'est... À Cerisy, en fait, on observait ça de manière quasi expérimentale, c'est-à-dire que Latour, en fait, essayait de faire une OPA sur Viveros et Castro en montrant qu'il était un des modes, en fait. C'est-à-dire que d'abord que donc son mode était, alors dans un premier temps il disait que c'était le mode de la manducation, mais qui en fait s'avérait être le mode, une sous-partie du mode de la métamorphose, tu vois. Et la question de savoir si Viveros de Castro peut accepter de redéfinir ce qu'il fait comme étant une version du mode de la métamorphose, donc une sorte de psychologie revisitée, est quand même une question assez importante pour savoir, pour mesurer la portée de ce qu'il opère. Et il était assez hésitant d'ailleurs entre la volonté de sigler en quelque sorte un mode de son nom et le refus en fait d'être absorbé dans le type de pluralisme que propose Latour pour faire valoir ce qui compte à ses yeux, c'est-à-dire ce contraste quand même entre une ontologie moderne qu'il rejette et une ontologie alternative qu'il a décrite dans ses livres, tu vois. Donc je pense qu'il faut pas non plus, c'est-à-dire qu'à la fois ces mouvements de convergence comptent et en même temps il faut pas s'empresser de rabattre les uns sur les autres tous ces usages d'ontologie. Au contraire, il faut, c'est je pense que ce qui a été suggéré, c'est il faut au contraire justement les différencier. Mais pour les différencier, il faut considérer qu'ils ont quelque chose à voir. Quitte justement à montrer qu'en fait il faut trouver l'espace commun du tournant ontologique, mais il faut pas a priori exclure. Oui, ah non, mais ce que je voulais dire, c'était pas que j'excluais parce que c'était pas intéressant. C'était que l'histoire que je racontais ne donnait pas une prise sur ce type-là de mouvement ontologique identique à celle que j'essaye d'avoir sur Descola et Vivero. Alors, explique-nous mieux ça, parce que moi, j'ai bien pour la tour, on ne voit pas. Mais, j'ai bien compris la démarche et je pense que simplement, c'est d'autres objets de recherche que nous sollicitons fortement, sur lesquels tu as le droit de tourner. Mais je comprends, moi, tout à fait, la démarche du travail de recherche en construction, simplement. Ouais. Je comprends, mais je pense qu'il les moments de décrochage, en fait, hein, c'est-à-dire, justement, on veut se tenir enraciné, en quelque sorte, vraiment dans des pratiques théoriques, pour ainsi dire, et puis, en vérité, les pratiques théoriques, elles déraillent. Elles déraillent, pourquoi pas, peut-être des idéologies scientifiques, d'ailleurs, pourquoi pas. Et ces idéologies scientifiques ont un statut, en fait, positif, je pense. Du point de vue de la production même, du savoir, et donc il ne faut pas avoir peur. Alors en l'occurrence, ce qui concerne en plus Latour, c'est, je veux dire, par exemple, je prends le problème de la polémique avec le postmodernisme. C'est très beau, effectivement, la manière dont tu montres, c'est ce qui est très évidemment la beauté de la chose est dans le détail, c'est-à-dire dans ce que tu appelles délégation, d'accord, ça c'est très beau. En même temps, c'est vrai que si on regarde à côté, par exemple, effectivement, dans l'histoire de Latour, on voit un peu, en tout cas, la même question. C'est-à-dire, la question, c'est effectivement comment sortir de l'hypercritique postmoderne, etc. Alors, c'est vrai que quand on le dit comme ça, on se place à un niveau que j'appellerais idéologique. Là où tu te places, on voit plutôt, en fait, comment ces grandes manœuvres idéologiques impliquent, permettent ou supposent des petites opérations. Oui, et puis rendre compte, effectivement, de la texture fine de ce qui se produit après dans le... Mais au bout du compte, la conclusion c'est quoi? C'est que l'anthropologie a une vertu, doit avoir une vertu critique. Là, ça marche pour, en tout cas, Latour. Je ne sais pas si ça marche pour Pierre. Je ne sais pas si Pierre considère que l'anthropologie doit avoir une vertu critique. Si, si. Donc. C'est difficile de toute façon de parler d'ontologie comme ça, de manière qui soit complètement pas critique. Oui, mais donc quel est le but en fait là? Donc c'est montrer en fait que ce tournant ontologique se situe dans son rapport au postmodernisme. Ouais, c'est de qualifier ce qui s'est passé en fait. D'accord. Moi, effectivement, cette qualification vaut. pour moi, c'est. À vrai dire, pour Badiou. Et donc voilà, donc c'est là où je me dis, bon alors, on se retrouve avec un truc finalement assez prévisible qui était, bon, effectivement, le renouveau de la métaphysique est lié à la lassitude à l'égard des postures hypercritiques héritées du postmodernisme. Ouais, forcément, si tu le dis comme ça... Mais c'est-à-dire, pourquoi pas, je veux dire, qu'est-ce qui t'embête? Tu l'as montré comment, dans un champ particulier, grâce à cette opération de délégation, ça se fait. C'est-à-dire quelque chose qui est en fait un peu généralement décrit, ça fait montrer que c'était en fait lié. Non, je pense que c'est pas la même opération, parce que, si tu veux, quand tu dis il y a une lassitude par rapport à la critique et donc on reconstruit de la métaphysique, t'as absolument aucune prise sur ce qui se reconstruit derrière. Tu en rends pas du tout compte par un mouvement historique. Il dit juste, oui, les gens en ont ras-le-bol de toute cette critique, alors refaisons des constructions métaphysiques, tu vois ce que je veux dire? Tu perds quand même beaucoup d'informations dans le... J'ai l'impression que le point de départ, c'était quand même la question de savoir si Latour était comparatiste, puisque tu semblais dire que tu l'avais exclu parce que pour toi, il n'était pas comparatiste. Et c'est quand même une question très importante, puisque la thématique profonde de ce séminaire, c'est la question de la pluralité. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien étroit entre pluralité et la question ontologique qui irrigue à la fois la discipline anthropologique et la philosophie? Et ça mériterait quand même une réponse. Moi, je partage le point de vue de Patrice qu'il y a un comparatisme chez Latour. Et à mon avis, la question, ce serait de savoir quelle autre forme de comparatisme on a. Mais bon. Et est-ce qu'on peut... Alors, il nous reste 25 minutes. Est-ce que tu as répondu à toutes les questions d'Isabelle? Je ne crois pas. Je vais la parole à la salle. Rappelle-moi, c'est à quoi j'ai pas répondu. Aux questions, alors il y avait la question quand même de l'usage, disons, ethnographique de la notion de délégation. Est-ce qu'on va sur le... Oui, c'est une remarque. Est-ce qu'on peut aller sur le terrain avec cette notion, en gros, et en faire un usage ethnographique? Je crois que c'était une de tes questions. Et puis, y avait également la question, il y a une ouverture de... Est-ce qu'on peut faire un usage ethnographique, disons, vers le bas, vers l'empirie de cette notion de délégation? Et puis, est-ce qu'on peut en faire un usage, entre guillemets, vers le haut, avec toutes les guillemets de rigueur pour ces catégories, de façon métaphysique? C'était aussi le sens de la dernière question, je crois, d'Isabelle. Ok, alors bon, déjà sur la première question est plus claire pour moi que la deuxième. Alors sur la première question, je pense que le concept de délégation tel que je l'ai utilisé est pas destiné à être un outil de description sur le terrain. C'est plutôt une manière d'essayer de diagnostiquer quels sont les problèmes qui se posent dans un champ de recherche comme l'anthropologie, effectivement sur quel type d'objet et à quel type d'opération les ethnographes vont être attentifs. Mais c'est plus une manière de... Enfin, c'est pas un outil qu'il faudrait appliquer de toute manière. C'était une... Enfin, je crois pas que ça fonctionne comme ça. Ça fait écho, en fait, au second niveau de la question. C'est-à-dire que ça peut être aussi prise comme une opération de l'entendement humain et du fonctionnement mental, cette question de la délégation. Le fait de déléguer. Oui, mais je pense que c'est beaucoup plus concret aussi qu'une... Qu'une opération de l'entendement, c'est-à-dire que ça donne lieu à quelque chose comme un programme de recherche, c'est-à-dire qu'il y a des choses assez concrètes qui s'incarnent dans les traditions de recherche. Donc on n'est pas obligé de le rapporter à une opération fondamentale de l'entendement pour lui donner une consistance dans l'histoire. Non, pas pour lui donner une consistance, mais pour... L'hypothèse, ce serait quoi, en fait? Parce que je vois pas trop l'hypothèse à laquelle ça nous amène. C'est que ton concept a l'air d'avoir une vertu beaucoup plus large que ce que tu lui donnes. Par exemple, l'anthropologie, en général, semble une vaste opération de délégation, c'est-à-dire l'activité critique. D'ailleurs, c'est ce que dit Lévi-Strauss, exactement à la fin de l'introduction de Marcel Mauss, quand il dit, au lieu de se critiquer soi-même, on confie à la variété des cultures le soin de critiquer chacune. Donc il semble que plutôt que de faire effectivement un travail sur soi, la 16, etc., bon, ben, en fait, finalement, on trouve dans son ensemble. Voilà, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi l'histoire des sciences, c'est-à-dire pourquoi toi, philosophe, enfin, qu'on pourrait peut-être dire que ce que tu as fait comme philosophie, c'est que tu as délégué aux sciences, à ces objets de ta pensée, le soin de faire ce que tu ne voulais pas faire en première personne, parce que tu ne voulais pas pour des raisons arbitraires, mais pour d'excellentes raisons. Et effectivement, il y a une délégation. Oui, non, mais alors moi. C'est ça l'idée, non? C'est ça, voilà. Une opération épistémologique alors, beaucoup plus générale. Qu'on puisse l'utiliser largement, moi ça me convient tout à fait, je serais ravi même. La seule chose, c'est que il faut être attentif à la pluralité. C'est-à-dire que tout ne va pas ensemble, quoi. Je pense que c'est une erreur que les sciences sociales actuelles font souvent sur elles-mêmes, de se dire qu'elles vont toujours plus loin dans la restitution aux acteurs de leurs compétences, etc. Je ne pense pas que ce soit le problème, c'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont faits et on délègue pas tout à la fois. Donc là aussi, je pense qu'il est bon d'avoir en tête une forme de pluralisme pour pouvoir mettre en perspective les unes par rapport aux autres ces opérations de délégation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, en fait, c'est de saisir qu'est-ce qui se passe dans chacune d'elles et qu'est-ce qu'elle implique par rapport aux autres. C'est pour ça que je disais sortir du modèle unilinéaire pour essayer de présenter ces différentes choses-là comme des alternatives quelque part. Dans ce qu'on disait, j'avais l'impression, j'adhère à 90% de ce que vous avez dit, qu'on a affaire, disons, une histoire internaliste, quoi, de ce que... Terry Turner a fait une espèce de crise du structuralisme tardif, c'est-à-dire un moment dans lequel on se rend compte, c'est le cas depuis l'après 68, dans lequel on se rend compte que le projet structuraliste et ses visions sont de vrai formaliste qui tenaient pas totalement la route, et notamment à l'égard d'un certain agenda politique du structuralisme. Et je pense que, par exemple, chez Descola, si on fait une certaine montée en régime politique, on va parler un petit peu ça comme le cabinet du concept d'écologie symbolique, si on lit ça à la question de l'indigénisme, par exemple, ou de la question de la colonisation, on voit beaucoup plus ce que pourrait être une histoire externaliste, entre guillemets, de ces problèmes qui prennent un peu plus au sérieux la question politique et la question des mouvements politiques, quoi. Parce que chez Strasser, par exemple, ou chez Viveros, tel que vous présentez la situation de son discours, il y a comme une instrumentalisation dans la construction théorique de ce que sont les grandes propositions du mouvement et féministe et écologiste des années 90. Et quelqu'un qui fait ça assez bien, je dirais, qui illustre cette espèce de montée en régime du côté de la politique, de la conceptualité des scolaires, c'est Baptiste Gilles, quand il parle du problème de la colonisation de la côte, le problème de la colonisation des Saliches, où il y avait vraiment une confrontation entre deux paradigmes de la propriété. Et cette question, il revient un peu sur la table, de la polémique autour de la vente des masques Hopi à Drouot. Disons qu'il y a, on a affaire là quand même à deux conceptions de la personnalité et de la propriété radicalement différentes. Baptiste Gilles dit par exemple, chez les Saliches, on a une conception de la propriété qui a à voir avec l'attribution d'une responsabilité à l'individu quant à la préservation de la complexité interactionnelle donnée dans laquelle saisit un artefact, un organisme, une espèce, etc. Alors que dans la version occidentale, disons, l'individualisme possessif, ça a à voir avec une possession absolue de l'objet jusqu'à sa destruction, sans considération des compétences interactionnelles dans lesquelles l'espèce ou l'artefact est saisie, quoi. Et je me dis, une façon de sortir un peu de ces problèmes formels, enfin, c'est toujours intéressant d'établir la cartographie de ces problèmes-là, c'est de reposer la question du discours d'Escola de Villeneuve à l'égard de l'indigénisme, par exemple. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Alors, il y a deux aspects dans votre question un peu différents sur lesquels je vais essayer de répondre. Alors, la première, c'est que sur cet aspect histoire donc du structuralisme, de sa crise, etc., il est clair que pour moi, un des enjeux en écrivant ce papier était de savoir comment est-ce qu'on était sorti finalement de Lévi-Strauss, mais précisément parce que pour moi c'était pas du tout une évidence, c'est-à-dire que j'ai fait ma thèse sur Lévi-Strauss et je pense pas du tout que le structuralisme était un modèle formel condamné par son degré d'abstraction. Donc et ce qui est intéressant, c'est de voir que chez des auteurs qui ont une relation positive à l'héritage de Lévi-Strauss, en fait on est quand même passé à des problèmes très différents. Donc ça, c'était vraiment un enjeu pour moi, c'est-à-dire de décrire quel type d'événements théoriques avaient conduit à la recomposition profonde de l'anthropologie depuis 30 ans. Donc c'est pour ça que j'ai écrit cette histoire qui passe par le postmodernisme. Et après, sur la question histoire interne et histoire externe, effectivement, c'est une question qui est intéressante parce que, pour moi, la question plus intéressante que de se dire est-ce qu'on fait une histoire interne, donc des concepts, ou une histoire externe, disons par les institutions, c'est où est-ce qu'on place la frontière entre interne et externe. Alors, effectivement, je viens d'une tradition qui est plutôt d'histoire qu'on qualifierait interne. Une de mes tentatives, c'est de faire rentrer justement les mouvements, disons, de critique, alors que je prends un degré de généralité assez élevé, mais les mouvements de critique féministe, effectivement, écologique, etc., du côté de l'histoire interne, c'est-à-dire de faire rentrer dans l'économie d'un savoir, dans le type de connaissances qu'il produit, dans sa texture, de faire rentrer ces questions politiques qu'on renvoie habituellement à une histoire externe. Et de ce point de vue-là, je ne serais pas d'accord avec le terme d'instrumentalisation que vous avez employé. Je pense que le bon terme, c'est celui d'altération, c'est-à-dire qu'ils s'emparent effectivement d'inquiétudes qui traversent les sociétés occidentales, mais ils les font subir, grâce à la conceptualité anthropologique, un type d'altération qui en déplace les enjeux. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'ils sont intéressants politiquement. C'est pas en disant faut aller plus loin pour les droits des animaux, etc. Là, il y a un aspect, un travail militant qui n'est pas l'apport principal d'Escola ou Viveiros, je pense. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand il montre l'intrication de ces problèmes politiques avec des problèmes conceptuels qui amènent à déplacer le problème lui-même. Donc ça aussi, c'est un enjeu, je pense, assez important de l'histoire que j'ai voulu raconter, qu'on pourrait très certainement effectivement développer en allant voir, pour le coup, des controverses locales, différents terrains où ils ont travaillé, et donner à ça, effectivement, plus de finesse. Quoi. Juste pour revenir sur un élément que tu as mentionné à l'instant, comment tu vois le rapport entre l'histoire que tu racontes et puis quelque chose à quoi tu as fait allusion, c'est-à-dire tout le discours style années 80-90, ou en sociologie cette fois, pas en anthropologie. Il s'agit effectivement de reconnaître la compétence aux acteurs, de manifester leur réflexivité, hein, plutôt aussi Boltanski que tu as mentionné en passant. Est-ce que c'est quelque chose qui vient s'ajouter latéralement à cette tradition-là pour l'alimenter et la redynamiser, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que le fond argumentatif est commun, ou est-ce que c'est une toute autre idée ou une toute autre pensée qui s'exprime dans ces trucs-là? Alors, bon, en mettant tout ça sous le concept de délégation à chaque fois, mais en montrant que c'est pluriel, c'était quand même pour faire apparaître qu'il y avait des gestes communs, justement. Hein, ce geste commun de prendre une opération qui avait été définie comme une opération scientifique et élaborée comme telle, hein, c'est-à-dire comment est-ce que la sociologie va critiquer mieux que ses prédécesseurs, etc., et de redéfinir finalement la critique comme une variante très particulière de quelque chose qui est distribué socialement beaucoup plus largement. Donc je pense que ce mouvement-là, de redéfinir ce que fait l'anthropologue ou le sociologue comme une variante de quelque chose qui est distribué beaucoup plus largement et par rapport auquel il doit prendre position et qu'il doit étudier, c'est un mouvement commun et que de ce point de vue-là, ça a du sens quand même de faire une histoire un peu plus générale des sciences sociales. Après, il y a quand même une différence de tonalité, je pense, liée au fait que chez Boltanski, dans la sociologie, ça prend... on est dans le cadre de la même société, disons. Donc la rhétorique, rendre à l'acteur sa reconnaissance, etc., et prend beaucoup plus facilement quelque part. C'est-à-dire qu'il y a, un branchement sur les aspirations démocratiques, etc., alors qui n'est pas absent hein, de l'autre cas, mais qui se fait beaucoup plus immédiatement parce que, ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans la délégation de la critique, il suffit d'aller voir dans la presse et on trouve des critiques formulées par les gens d'une manière qui ne nous dépayse pas tant que ça par rapport aux critiques que pouvait mener la sociologie. D'accord. Pour aller trouver de l'ontologie chez les HUR, il y a quand même un travail d'extraction justement de l'ontologie à partir de pratiques qui ne sont pas du tout données dans le même style que des pratiques académiques, etc., qui impose quand même un nombre de médiations plus important. Donc je pense que là aussi, il faut être attentif à ça. Et d'ailleurs, c'est un reproche qu'on fait souvent à Descola ou à Viveiros, c'est-à-dire l'illégitimité de ce passage-là, en fait, de pratiques données contextuellement au niveau des ontologies, qui est un passage qui leur est nécessaire justement pour faire apparaître ce pluralisme. Donc je pense que de ce point de vue-là, la sociologie est dans un état un petit peu plus confortable par rapport à ça que l'anthropologie. Mais je pense que c'est intéressant quand même de les prendre au moins dans un même mouvement. Juste une petite remarque, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Ce qui m'embête peut-être dans ce que tu viens de dire, c'est la focalisation unique sur Boltanski, alors que si on se place dans l'histoire de la sociologie, disons des années 1980, le discours sur la puissance de l'acteur et les compétences est assez général. En France, il y a Touraine qui fait ça avec d'autres accentuations. Dans le monde de l'open, c'est plutôt Gidens, tu vois la référence. Peut-être qu'on n'aurait pas, on n'a pas intérêt à se focaliser sur cette histoire de la critique de la critique, qui a été une manifestation assez spectaculaire de ce processus de délégation, mais très particulier historiquement et géographiquement. Ouais, mais alors le point, c'est vrai, hein, mais le point qui m'intéresse chez Boltanski, c'est que on a, suite à ce mouvement, la recomposition d'une forme de pluralisme qui ressemble un petit peu à ce qu'on a en anthropologie, c'est-à-dire un modèle où il y a un certain nombre de cités dont on peut faire la liste. Et donc, du coup, on a le problème de la sociologie pragmatique, un peu, c'est de se dire, bah, si on suit les acteurs, qu'est-ce qu'on ajoute en plus ? Et la réponse de Boltanski, ça a été de dire, on ajoute la typologie qui permet de dire, de diagnostiquer que quand une personne critique, en fait, elle critique une cité au nom d'une autre, etc. Donc il y a chez Boltanski ce redéploiement d'un pluralisme qui, pour moi, faisait écho au type de problème que rencontre l'anthropologie. C'est pour ça que... Bon, aussi parce que c'est très clair, c'est très facile à exposer, même en 2-3 minutes, pour faire comprendre aux gens ce que c'est une délégation, mais je pense que de ce point de vue-là... C'est... Autre remarque de contextualisation, pour moi, une des inventions de la problématique de la délégation, c'est Alfred Schütz. Tu sais, et Schütz, il te dit, c'est quelqu'un qui a été le disciple chéri de Husserl, et quelqu'un qui te dit, bon voilà, on prend les concepts de Max Weber dans l'économie et société, et ça, c'est des concepts qu'utilisent les acteurs. À ma connaissance, c'est la première fois qu'émerge de façon absolument spectaculaire ce type d'argument-là. Hein, l'idée que les acteurs sont sociologues et, au fond, qu'il faut reconstruire généalogiquement les concepts de la sociologie comme des productions possibles de la subjectivité sociale et socialisée. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, c'est totalement pré-structuraliste. En fait, tu vois, c'est un argument qui, en quelque sorte, et contre quoi s'est construit le structuralisme. C'est une... Oui, bien sûr. Et L'émergence d'un passé, quoi, autour d'une sorte de refoulé, peut-être. Oui, de ce point de vue-là, la définition que je donne du structuralisme est un peu contre-intuitive, j'en suis assez conscient, mais je pense que... Historiquement, la phénoménologie sociale ou la sociologie phénoménologique a été un lieu d'élaboration, à mon avis, extraordinaire. Oui, c'est sûr, et puis ensuite l'ethnométhodologie, qui pour le coup, là, a un rôle direct dans ce que fait Latour. Mmh. Et en passant par là, pour le coup, je pense qu'on arriverait à suivre un fil qui mènerait directement à Latour. D'accord. Donc tu vois, là... On n'est plus dans une histoire des métamorphoses du structuralisme. Oui, oui. Non, en fait, voilà, c'est-à-dire que je disais que c'était un enjeu important pour moi parce qu'au départ, j'avais besoin de me raconter ça. Effectivement, j'espère que le résultat final amène à ce que ce soit pas que ça la focale, mais à avoir un modèle pour comprendre des transformations historiques des sciences sociales. On espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'allais faire la même question sur l'ethnométhodologie parce que c'est vrai que aussitôt moi quand j'ai vu ce texte, je me suis dit mais l'opération de délégation qui consiste à donc attribuer aux enquêtés les capacités d'élaborer eux-mêmes la matérialité d'une conceptualité pour s'analyser eux-mêmes, c'est vrai que c'est le programme de l'ethnométhodologie, mais j'avais une question, simplement une question peut-être de clarification. Je me suis amusé au petit jeu d'essayer de compter le nombre de délégations finalement distinguées. J'ai l'impression qu'il y a, pour résumer, une délégation comparative, c'est Lévi-Strauss. Il y a une délégation qui est au niveau ethnographique, strictement, ou en tout cas qui intervient au niveau ethnographique, c'est celle que tu prêtes à Jeanne-Fabre Saada. Pas tout à fait. Alors, j'emploierai pas forcément le concept de délégation pour Jeanne-Fabre Saada. La question est un peu différente. C'est la question d'être saisi par un discours, etc. D'accord. En fait, je pense pas qu'il y ait toujours dans l'histoire des sciences une délégation. Je pense que délégation désigne certains moments particuliers, hein, de la même manière que j'essaye de dire qu'il n'y a pas un programme de recherche à chaque fois que finalement le programme de recherche et une version particulière d'une activité scientifique, qu'il y a des avancées qui se font pas sous cette forme-là. Délégation, c'est pareil, et par rapport à l'ethnométhodologie, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que je pense qu'il y a délégation quand effectivement une opération est reversée du côté des acteurs et étudiée, mais quand elle est en même temps ressaisie dans un cadre, soit typologique, enfin un pluralisme qui remet quand même le théoricien dans une certaine posture. Délégation dans le langage juridique a quand même, on délègue plutôt un subordonné que... Et donc c'est pour ça que, et je pense que c'est le cas, hein, dans les cas que j'ai décrits. Enfin, c'est pas pour démystifier la délégation, c'est pas le problème, mais c'est pour montrer que tout en reversant des opérations du côté des acteurs, il y a un effort de reprise et de déploiement, de forme de pluralisme. Donc on peut pas que le théoricien fait apparaître. On peut pas tout faire, d'une part. Ouais. On peut pas tout déléguer et quand on fait ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas à tous les coups. Il y avait une question. Non, c'était pour intervenir dans les derniers propos qui ont été tenus. Vous avez dit non, ça ne marche pas trop pour Jeanne Fabre-Saada, cette question de délégation. Alors, peut-être pas délégation, mais moi, je me disais ça marchait très bien pour altération qui déplace les enjeux. Parce que d'une certaine manière, on ne peut pas dire qu'elle tient jusqu'au bout son point de vue. Elle accepte de se laisser modifier et de toute façon, elle n'a pas le choix. Elle est profondément altérée. Et c'est à partir de là qu'elle fait de la production de connaissances. Donc il y a à la fois quelque chose d'héroïque, parce qu'on pourrait fuir. Oui, oui, c'est ça. Et, mais donc, il y a effectivement. Elle tient, c'est-à-dire que, effectivement. Bon, mais elle tient bon au sens où elle se laisse complètement altérer. C'est ça, mais. Elle produit des effets de connaissances à partir de sa propre altération. Mais la délégation n'est pas la seule manière pour le théoricien de se dessaisir d'une partie, disons, de sa position. De la position stable que pouvaient lui prêter les sciences sociales classiques. Elle abandonne le point de vue de l'anthropologue parce qu'il est intenable et finalement elle se laisse assigner comme des sorceleuses, enfin, elle a une certaine efficacité. Disons qu'elle adopte le point de vue qui, du point de vue du discours anthropologique, était impossible. Et je pense que chez elle, ça devient quasiment une méthode de diagnostic, c'est-à-dire chercher la position impossible et vous trouverez le fonctionnement d'un discours. Hein, puisque l'enquête sur la sorcellerie en fait aboutit exactement à ça, c'est-à-dire que le cas qui est vraiment intéressant quand on rentre dedans, c'est le cas de celui qui est qui en fait est dans une cure de désorcelage, mais qui s'en sort pas parce qu'il a lui-même été accusé d'être un sorcier. Et donc de la même manière qu'il y a une sorte de position impossible du point de vue du statut du discours, etc., je pense qu'elle transforme quasiment ça en outil diagnostique, en montrant que le point où s'éprouvent le mieux les effets d'un discours, c'est celui justement où une personne est prise dans ses exigences contradictoires. Je ne sais pas si vous prenez en compte le fait qu'elle a écrit des sorcellers. Oui, bien sûr. 20 ans après, et donc où elle a tout de même progressé dans l'analyse de ce qui s'est passé, qu'elle ne comprenait pas bien au moment où ça s'est passé. Oui, oui, bien sûr. Avec le journal de bord. Oui, oui, j'ai écrit un article là-dessus qui et qui justement, effectivement, je pense que Désorceler conduit à relire assez profondément la manière dont on avait vu la critique, disons, de l'objectivité anthropologique dans Les mots, la mort, l'essor, et que cette critique de l'objectivité, en fait, n'est pas le fin mot de ce que veut faire Jeanne Fabre-Saada. Elle est un passage nécessaire pour accéder à un certain mode de fonctionnement du discours anthropologique, mais qui n'empêche pas derrière une tentative de redéployer des propriétés qui ne se laissent pas appréhender dans le récit, par exemple. Donc, c'est pas un point d'aboutissement final, et effectivement, je pense que. Et le déséquilibre reste final, parce que, elle peut décrire quelque chose dans le bocage, et après, quand elle revient, ça ne va plus non plus. C'est-à-dire que, effectivement, les deux cultures, on ne peut pas dire, on les compare, et elles sont chacune à raison de son point de vue, parce qu'en fait, on est entièrement déstabilisé quand on passe de l'une à l'autre. Oui, chez elle, ça ne se formule pas. Oui, elles ne sont pas compatibles, en fait. Oui, oui, c'est vrai que ça ne se formule pas tellement en termes de culture, mais en termes plutôt de discours. Les tableaux de Descola me gênent toujours pour ça, puisqu'on dirait que tout ça, ça se balance bien, c'est bien équilibré. Trop beau pour être. Non, mais c'est vrai que la réapparition dans l'anthropologie de ce type de quadripartition qui peut saisir effectivement tout ce qui existe dans le monde, et quelque chose d'assez étonnant du point de vue de l'histoire de l'anthropologie. Et ça, enfin, ok, je crois il est 18h59, donc à moins qu'il y ait une question d'une minute, je pense que on a rempli le programme du jour. Donc merci beaucoup à tous les deux pour cette séance. Merci.